Bonsoir Dominique, quel temps va-t-il faire? Bien, ce soir et cette nuit, les averses vont disparaître et on va retrouver de la brume et des bancs de brouillard. Minima 9 à 13 degrés. Demain, encore pas mal de nuages et des averses, mais qui vont s'espacer sans toutefois disparaître complètement. Maxima 14 à 18 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. L'Italie s'impose sur le fil devant la Suède. Est-ce que ce résultat arrange les Belges? On retrouve Thierry Luters dans un instant. Il nous donnera aussi des nouvelles de l'état de forme des Diables Rouges. La reconstitution a commencé il y a plusieurs heures à Etterbeek. Reconstitution du parcours des kamikazes du métro de Malbec le 22 mars dernier. Des bagagistes en grève à Zaventem et pour certains voyageurs, il n'y aura pas de valise à l'atterrissage. Hélène Maquet est à l'aéroport, elle nous dira si le mouvement risque de durer. Le prix de la viande, un quart plus cher en 10 ans. À qui profite cette hausse? On en parle avec la filière belge de la viande. Et puis en fin de journal, le programme des fêtes de la musique, c'est parti pour 5 jours de concerts et il y en a plus de 700. Le journal sur Vivacité avec Lionel de Neubourg. Bonsoir Lionel. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. À la veille du match des Diables Rouges, c'est la rencontre qu'on ne devait pas rater aujourd'hui. Et oui, Italie-Suède. Le match vient de se terminer il y a quelques minutes. Les Italiens roublards ont marqué en toute fin de match et se sont imposés 1-0. On va retrouver Thierry Luters avec nous en direct depuis Bordeaux. Thierry, est-ce que ce résultat donne un peu d'air aux Diables Rouges? Oui, bonsoir Lionel. C'est plutôt dans l'absolu un bon résultat pour les Belges. Et en tout cas, ce verdict induit trois choses. Premièrement, les Italiens sont qualifiés, c'est mathématique, pour les huitièmes de finale. Deuxièmement, nous ne pourrons plus, au mieux, que d'être deuxième dans ce groupe E. Et troisièmement, c'est aussi une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive, même en cas de revers demain face à l'Irlande ici à Bordeaux, la Belgique ne sera pas éliminée mathématiquement de ce tournoi. Donc on doit se focaliser, bien sûr, sur la deuxième place et sur les deux prochains matchs qui nous restent, à savoir donc l'Irlande à Bordeaux et puis mercredi, le match face à la Suède, à Nice. Revers, on ne l'espère pas, hein, évidemment. Thierry, vous venez d'assister à la dernière conférence de presse avant le match de demain. Quel est l'état d'esprit? Est-ce que les Diables ont retrouvé la niaque? Ben on l'espère, en tout cas ils sont en train de s'entraîner ici dans ce grand stade de Bordeaux où la météo est particulièrement capricieuse avec alternance d'averses subites comme ça et très violente et puis des rayons de soleil. Marc Wilmots a noyé le poisson, il n'a rien voulu dévoiler de sa sélection. On lui a demandé s'il y aurait des changements par rapport au match initial face à l'Italie. Il s'en est sorti par une pirouette en disant qu'il y aurait entre 2 et 10 changements, ben oui. Et que finalement le seul qui était sûr de sa place, c'est Thibaut Courtois qui est lui aussi venu en conférence de presse et qui a un petit peu noyé le poisson après ses déclarations assez tapageuses ou incendiaires déclarées à chaud lors de la défaite face à l'Italie. Une dernière chose de Lionel, demain en revanche on risque d'être un petit peu dominé par les Irlandais vocalement, puisque d'après les chiffres officieux, on annonce 20 000 supporters irlandais, 12 000 supporters belges dans ce stade bordelais. On compte sur vous hein, pour donner de la voix demain dans le stade. Thierry Luters avec nous depuis le camp de base des Diables Rouges à Bordeaux. Le match demain donc, c'est Belgique-Irlande qui pourrait peut-être battre des records d'audience sur la RTBF. Oui, on l'espère. Hein. Et c'est un phénomène typique de l'Euro ou de la Coupe du Monde. La vente des télévisions et des projecteurs explose. Deux tiers des Belges préféraient regarder le match chez eux plutôt que dans un bar ou en plein air. Odile Lehert a observé ce phénomène bizarre de plus près. Pizza et bière au menu, petit drapeau pour la déco, le visage grimé, cette bande d'amis a décidé de regarder le match des Diables à la maison. Je sais pas, on peut faire le bruit qu'on veut, on mange ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Ah ouais, non, j'aurais pas pu faire caser mes enfants, du coup ça aurait été triste, on a regardé le match à deux, voilà, moins sympa, moins festif. Accessoire indispensable, selon les amateurs, l'écran géant. Sur un grand écran comme ça, ça donne cette impression de vivre un grand événement, quoi. En fait, c'est un peu l'outil où ça participe à cette ambiance de l'Euro, en fait. La vente de ce type d'écran plat ou de projecteur augmente fortement pour l'Euro. Dans cette grande surface de l'électro, on a même décoré le magasin aux couleurs du foot pour le rappeler aux clients. Et ça marche. Quand on a un grand mur à la maison de disponible, on sait plus ou moins le projeter, on sait faire une petite soirée entre potes. Et comme maintenant c'est l'Euro, c'est le bon moment pour en profiter. Un grand match ou voilà, une grande compétition comme ça, ça peut peut-être faire craquer pour une télé, un projecteur. Confirmation de ce vendeur. Les ventes sont extrêmement dopées pendant l'Euro. Nous constatons aujourd'hui une progression de 25% par rapport à l'Euro précédent et même de meilleurs résultats par rapport au mondial de foot au Brésil. Il fut un temps où l'on gardait un téléviseur pendant une dizaine d'années dans son salon. Pour de nombreux Belges, ce temps serait révolu et c'est l'Euro que beaucoup auraient choisi pour changer de grand écran. Voilà pour le reportage de Valentin Boigelot et d'Odile Lehert. Un quartier placé sous haute sécurité à Bruxelles. Oui, avec une reconstitution en cours dans le quartier de la Chasse à Etterbeek. C'est de là que sont partis les terroristes du métro de Malbec le 22 mars dernier. Un large périmètre est bouclé et Radia Sadani, la police, filtre les allées et venues. Des dizaines de personnes sont empêchées de rentrer chez elles. Interdiction de pénétrer dans le périmètre de sécurité extrêmement important établi par les forces de l'ordre. Le périmètre ne devrait pas être levé avant plusieurs heures dans ce quartier d'Etterbeek à la Chasse. Un petit appartement de 40 mètres carrés est l'objet d'une reconstitution. C'est de là que sont partis les kamikazes du métro Malbec. Les quatre suspects qui se succèdent doivent reproduire faits et gestes de cette matinée du 22 mars et expliquer leur lien avec le commando du métro. En premier lieu, Osama Krayem, ce Suédois qui accompagnait le kamikaze de Malbec. Il a renoncé au dernier moment à se faire exploser et d'y avoir dissous les produits explosifs dans la salle de bain de cet appartement. Trois autres hommes, des logisticiens, seront aussi entendus et parmi eux, les deux frères qui ont loué la planque et surtout l'ont nettoyée au lendemain des attentats. Cette reconstitution est toujours en cours en ce moment, haute surveillance. Les précisions de Radia Sadani avec nous depuis le quartier de la Chasse à Etterbeek. Les bagagistes de Swissport en grève depuis ce matin à Zaventem. Oui, ils dénoncent le manque de personnel dans la société Swissport qui représente environ 70% de la manutention pour les compagnies aériennes. Hélène Maquet, vous êtes à Zaventem. Est-ce qu'il y a beaucoup de soucis chez vous cet après-midi? Alors nous nous trouvons devant les guichets de Swissport, il y a des passagers qui font la file pour venir demander des informations mais ils ne sont pas nombreux. Pour le reste, ici dans le hall des départs, la situation est plus ou moins normale. On voit qu'il y a des retards, à peu près la moitié des vols seraient touchés, des retards d'une dizaine de minutes, mais les gens, sinon les files sont là, les gens enregistrent leurs bagages au guichet. Le problème c'est une fois que le bagage est déposé sur le tapis roulant, quand il arrive à l'arrière de l'aéroport, dans la zone des bagagistes, là il s'arrête et les bagagistes sont en grève, donc les bagages ne sont pas embarqués dans les avions, les passagers partent sans leurs bagages. On ne sait pas encore comment ils leur seront envoyés, si c'est Swissport qui s'occupera de faire le transbordement ou si les compagnies aériennes prennent en charge ces bagages abandonnés. Est-ce qu'on sait, Hélène, si ce conflit risque de durer? Alors on ne sait pas pour l'instant, syndicats et direction sont toujours en réunion, ils ne sont pas ici au siège de Swissport, ils sont dans un ministère. Une première réunion avait échoué ce matin à 10h du matin, une deuxième réunion est en cours depuis 14h, donc on voit que ça dure, on saura après cette réunion si le mouvement de grève perdure ou pas. Merci Hélène. Hélène Maquet avec nous en direct depuis l'aéroport de Zaventem avec les moyens techniques de Stéphane Crombin. L'Antin continue la grève, 61 agents pour, 42 contre. Et donc les agents pénitentiaires de la prison poursuivent le mouvement la semaine prochaine. Aucune nouvelle assemblée du personnel n'a été programmée pour l'instant. En attendant, dit-on, une réaction du ministre de la Justice. Mais les agents non grévistes pourraient toutefois reprendre le travail ce week-end. Internet qui rame, téléchargement au ralenti, amis de la campagne, voilà peut-être pour vous la fin du calvaire. Ah oui, parce que pour certains, coin reculé, le problème dure depuis des années. Regarder une vidéo en ligne, c'est parfois très compliqué, tellement la connexion est lente. Du coup, la société Proximus va tester une nouvelle formule pour améliorer la connexion web. L'opérateur fait appel à des volontaires dans la commune de Frasne-lès-en-Vin, c'est dans le Hainaut. Et des volontaires, il ne sera pas difficile d'en trouver, comme l'ont constaté Marie Dessier et Jérémy Gilter. Ça fait 7 ans qu'Iver donc habite le petit village de Cordes et ça fait 7 ans que sa connexion internet tourne au ralenti. Ça rame. Dès qu'on met deux ordinateurs dessus, si on veut regarder une vidéo ou un film, c'est une pitié, quoi. Faudrait sortir avec un petit vélo, pédaler, parce qu'il n'y a rien de bon qui vient, quoi. On privilégie tout le temps les centres-villes et tous ceux qui sont à l'extérieur, ben, ils n'ont jamais rien, quoi. Mais par contre, pour payer, ça, on est bon. À Frasne, un tiers des habitants est dans ce cas-là. Autant de clients mécontents que Proximus veut éviter de perdre. L'opérateur a donc fait appel à une petite société développée par l'UCL, Tessares, qui propose une formule assez simple. Combiner la ligne fixe, assez lente, avec le réseau GSM, le réseau 4G. Deux modems associés donc pour gonfler la connexion Internet. C'est moins cher que de tirer de nouvelles lignes, reconnaît Patrick Delcoigne, directeur des réseaux chez Proximus. En milieu rural, il est extrêmement coûteux de déployer les armoires de rue avec fibre optique parce que ça nécessite de trancher, ça nécessite des travaux d'infrastructure. Donc ici, la solution que l'on a, on réutilise les lignes existantes, on a une très bonne couverture au niveau 4G mobile Proximus et on peut alors servir des clients qui n'auraient jamais été servis avec l'infrastructure fixe. Les Franois volontaires pourront tester la formule dès le mois de juillet. Reportage de Marie Dessy et de Jérémy Gilter. La viande de bœuf coûte de plus en plus cher. 28% plus cher en 10 ans, si on en croit les chiffres du ministère de l'économie, qui a passé tout le secteur à la loupe. On en parle avec Patrick Schlieffers, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération belge de la viande. D'emblée, ces chiffres, ils vous laissent un peu sceptiques tout de même. Disons que les chiffres posent quelques questions. On aura sans doute besoin de l'une ou l'autre précision, notamment quant à connaître un petit peu le détail du mix produit sur lesquels notamment les évolutions de prix ont été constatées. Alors, malgré tout, cette tendance à la hausse, comment on peut l'expliquer dans le marché de la viande ? Je vais dire que ici les chiffres, hein, parce qu'on parle d'une tendance à la hausse, si je ne m'abuse, elle est en Belgique d'un peu plus de 27% dans l'étude entre 2005 et 2016. Et je pense qu'il y a déjà à mettre en regard l'inflation. Hein. Il faut aussi mettre en regard de ça tous les postes de coûts qui ont évolué. Il y a quand même aussi des charges fixes qui sont toujours présentes. Il y a des coûts qui ont de transformation qui ont peut-être augmenté et qui portent sur moins de volume. Et donc ça aussi, ça peut venir grever évidemment les prix. Oui, donc on mange moins de kilos de steak, mais les charges sont là, donc il faut augmenter le prix, en gros, en résumé. Il est possible que ça soit un des éléments explicatifs. L'autre élément, c'est peut-être pas qu'on mange moins de steak, c'est que dans la viande bovine qu'on consomme, on ne consomme plus les mêmes morceaux, et il y en a certains qu'on ne consomme plus du tout, et donc qu'on déclasse et qu'on va vendre moins cher, ce qui va évidemment impacter à la hausse les articles les plus demandés. Alors, ce que nous dit l'étude aussi, c'est que le prix de la viande, il augmente de manière globale, mais ça ne profite pas spécialement aux producteurs, par exemple. Ça ne profite pas aux producteurs, ça ne profite pas spécialement non plus aux fabricants d'aliments pour bétail, ça ne profite pas non plus d'ailleurs à la transformation au secteur des abattoirs, des ateliers de découpe. Donc ne pas croire que la hausse, elle va dans la poche de l'agriculteur ou de l'abattoir. Et je dirais même que pour ce qui concerne l'agriculteur, la situation est préoccupante parce que c'est constaté évidemment dans les analyses économiques qui sont là. Bien souvent, il n'est même pas en état au travers de cette activité, de se payer un salaire. Donc évidemment, tout ça n'est pas très normal. Merci Patrick Schlieffers. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération belge de la viande. Il a 94 ans et il vient d'être condamné pour sa participation au massacre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Reinhold Hanning, ancien officier SS et garde du camp d'Auschwitz, il a été condamné cet après-midi à 5 ans de prison pour complicité dans l'assassinat d'au moins 170 000 personnes. Médecins sans frontières ne veut plus de l'argent européen. Oui, un geste fort de l'ONG. Elle ne veut plus de l'enveloppe de l'Europe et de ses pays membres. Plus de 50 millions d'euros tout de même. Médecins sans frontières veut par ce geste dénoncer la politique migratoire de l'Union européenne et notamment l'accord avec la Turquie. La seconde boîte noire de l'avion d'Égyptair a été repêchée ce matin. Hier, c'est l'enregistreur du vol qui avait déjà été retrouvé. L'appareil, on le rappelle, s'est abîmé en mer Méditerranée il y a presque un mois avec 66 personnes à son bord. Plus de 700 concerts en 5 jours, c'est parti pour la fête de la musique. Oui, pour tous les goûts et partout dès ce soir en Wallonie et à Bruxelles. Des concerts gratuits évidemment, le programme c'est avec Marie Mikkels. Chez nous, la fête de la musique existe depuis 1985. Elle est née en France, 3 ans plus tôt, sous l'impulsion de Jack Lang, alors ministre de la Culture, avec l'idée d'offrir des scènes à des musiciens professionnels et amateurs, une grande fête populaire de la musique. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le Conseil de la musique qui organise, la directrice est Clermontville. C'est pas toujours possible à l'heure actuelle de jouer dans n'importe quel coin de rue, et donc tout ça c'est un peu plus organisé. Donc maintenant, en tout cas chez nous, Wallonie à Bruxelles, c'est des entités, des villages, des communes, des villes qui organisent la fête de la musique et qui coordonnent certains événements, donc plus par moments avec des scènes plus importantes, d'autres dans des bars, dans des lieux culturels. 90% des groupes programmés sont issus de Fédération Wallonie-Bruxelles, Dansan, Mousti, Grand Georges et une foule de musiciens qui débutent aussi. En Wallonie, il y aura 4 pôles où la programmation sera plus dense. Namur, Charleroi, Liège et Isel en province du Luxembourg et puis à Bruxelles, Parc du Cinquantenaire. Le samedi et le dimanche, il y a un grand village musical qui s'installe pour 2 jours avec plusieurs scènes et tous des styles de musique différents qui sont programmés. Animation pour les enfants, animation circassienne. Une nouveauté au Cinquantenaire cette année, des concerts dans le superbe hall de l'aviation du musée de l'armée et dans le fond du parc au pavillon des passions humaines. Et pour connaître le détail, tout le programme, c'est sur www.fetedelamusique.be. En tennis, Roger Federer est trop fort pour David Goffin. Et oui, le Suisse s'est imposé en 2-7 cet après-midi, 6-1, 7-6 sur le gazon du tournoi de Halle en Allemagne. David Goffin a eu 5 occasions de remporter le deuxième set, mais il s'est finalement incliné pour la 5e fois en autant de matchs contre Federer qui passe lui en demi-finale. Et puis encore un mot de l'Euro de football pour vous signaler la suite des programmes de ce soir. À 18h, le match entre la République tchèque et la Croatie. Et puis à 21h, ce sera le match entre l'Espagne et la Turquie. Voilà pour le programme. On suivra tout ça, bien sûr, sur Vivacité. Merci Lionel et à tout à l'heure. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. C'est l'heure de retrouver tout de suite un point RTBF Mobile Info. Et bien sûr, quelques ralentissements pour vous qui rentrez à la maison. Il y a aussi les pluies hein, que l'on continue à connaître, principalement au sud de Liège pour le moment, du côté de l'Ardenne également et l'est de notre province. Elles s'en vont vers l'Allemagne avec quand même quelques foyers orageux. Soyez prudents si vous constatez ces conditions climatiques sur votre route. Il y a des ralentissements qui nous sont signalés dans le sens Bâtisse vers Prume sur le 42, entre Sarlespa et Poller, 3 km de ralentissement signalé. Et puis d'autres ralentissements également au centre de Verviers, principalement en direction d'Anzival, au niveau du viaduc d'Anzival d'ailleurs sur le 42. Ewaille, ça ralentit légèrement à l'entrée d'Ewaille venant de Remouchamps, voire de la sortie de le 25. Flairon, les ralentissements dans les deux sens sur la Nationale 3. Dans l'échangeur de Lonsain, quelques ralentissements signalés au bout de le 40 en direction d'Aix, mais un peu plus loin, vous serez ralenti à partir de Votem jusqu'à Herstal. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on osait abandonner au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Chérie, en 10 lettres, expérience mode unique à proximité. En 10 lettres? Facile, point carré. Les meilleures marques sélectionnées pour nous, un service personnalisé et le meilleur rapport qualité-prix. Bon, et ben allons vivre une expérience unique chez point carré. Plus d'infos sur pointcarré.eu. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400 €, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condroit à Boncel, à NECFM, sur la route du 8 Warem ou JC, chaussée de Tongres à Raucourt. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Prêt pour l'aventure? Le zoo d'Amnéville vous transporte parmi 2000 animaux dans de somptueux décors. Des animations non-stop, de fabuleux spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre. Bienvenue dans la nouvelle création du zoo d'Amnéville, Tiger World. Un univers fantastique, époustouflant, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Bonjour, c'est Jean-François Gilet. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Ça va swinguer à Visée. Du 16 au 19 juin, grande braderie et ambiance festive. Samedi et dimanche, 30 ans du festival de jazz. On sort les tonnelles. Parking gratuit et animation. Magasiné à Visée ce week-end. Avec Sonia Esthétique, Esprit Homme et Femme et Citroën Pacific Tilquin. Vivacité présente les Francofolies de Spa. Pascal Obispo est de retour à Spa, accompagné de ses musiciens et d'un orchestre symphonique pour un concert unique cet été. Découvrez sur scène son nouvel album, le 20 juillet aux Francofolies de Spa. Info, francofolies.be, avec le soutien de Proximus, ING, Jupiler et Win for Life. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et c'est déjà la dernière de la semaine avec encore des cadeaux à gagner. On en reparle dans un petit instant. Puis on va faire le tour de l'actualité comme tous les soirs pendant 2 heures. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour vous parler de ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vraiment l'actualité qui est au cœur d'un scandale. Un groupe de personnes handicapées a été mis à la porte d'un restaurant parce qu'il faisait trop de bruit. C'est l'info qui fait donc scandale sur les réseaux sociaux. On y revient dans un instant. On parlera de cœur de pirate également. Cœur de pirate qui est dans l'actu aujourd'hui, alors non pas pour un nouvel album ni un concert, mais parce qu'elle vient de faire son coming out. Elle n'arrivait plus à vivre avec son secret. Alors pourquoi est-ce qu'en 2016 il est toujours aussi compliqué d'affirmer sa sexualité? On s'y intéresse ce soir dans le 5 à 7. Tout à fait autre chose, c'est déjà tendance aux États-Unis et ça va arriver bientôt chez nous. Il s'agit de piscines pour chiens, c'est une première en Belgique, c'est du côté de Charleroi. Votre toutou pourra aller se baigner avec ses copains, parce qu'apparemment les chiens aiment bien aussi aller à la piscine. Il n'y a pas que vous qui y allez à l'aquagym une fois par semaine. On en reparle tout à l'heure. Et puis on s'intéressera aussi au foot avec la Gazette des Insolites tout à l'heure vers 17h30. Et puis cette question, demain il y a le match, le fameux match Belgique-Irlande, on espère qu'on va le gagner. Mais vous ferez quoi pendant ce match? Est-ce que vous allez le suivre chez vous à la maison? Est-ce qu'il y a des copains qui viennent? Est-ce que vous serez au travail? Est-ce que vous irez voir ce match sur un écran géant à l'extérieur, dans un bar, dans un resto? Dites-moi ce que vous avez prévu pour soutenir les Diables, ou alors à l'inverse, peut-être que vous ne voulez pas les soutenir. Ils ont perdu face à l'Italie, ils vous déçoivent aujourd'hui. Vous ne suivrez pas ce match. Vous me le dites par SMS au 3063. J'attends toutes vos réactions et puis sur la page Facebook aussi 5 à 7 Vivacité RTBF. Il sera question du Québec aussi aujourd'hui. Vous savez que c'est la dernière occasion de vous qualifier pour peut-être gagner tout à l'heure en fin d'émission votre séjour pour deux personnes pendant une semaine au Québec. Écoutez bien ce que je vous offre. Il y a le vol aller-retour, bien sûr, grâce à Air Transat. Vous aurez vos 6 nuits sur place en bed and breakfast. La voiture de location, parce que s'il faut tout faire à pied au Québec, c'est un peu long quand même, hein, les villes sont un peu éloignées. Vous avez des visites guidées de tout ce qu'il y a à faire là-bas. Et il y en a beaucoup des choses à faire, donc votre semaine va être bien intense. Et tout ça, c'est à l'occasion de la fête nationale du Québec. Ça arrive dans quelques jours, hein, ce sera le jeudi 23 juin. Si vous ne gagnez pas là pour aller fêter ça au Québec, vous pourrez le vivre, cet événement, directement à Bruxelles, puisqu'il y a une organisation, il y a la fête nationale du Québec qui se déroulera au Moudeur Lambic Fontenas à Bruxelles. Donc n'hésitez pas à aller prendre toutes les infos d'ailleurs sur vivacité.be. Vous allez me dire comment faire pour gagner ce séjour. Ben, comme tous les jours, vous allez devoir me traduire une expression québécoise. Écoutez celle du jour. Lâcher son fou. Lâcher son fou. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher son fou? Si vous avez une idée, maintenant, vous m'envoyez un petit SMS au 6003. Vous envoyez simplement la réponse, la traduction de cette expression du québécois vers le français. Lâcher son fou, si vous avez une idée, c'est maintenant que ça se passe. 6003 pour 75 centimes. Le message, je vous souhaite bonne chance. C'est l'info qui buzz énormément sur les réseaux sociaux ces dernières heures, avec beaucoup d'avis qui sont donnés. Je vous explique ce qui s'est passé. Un restaurateur a mis à la porte un groupe de personnes handicapées après avoir accepté que ce groupe vienne manger. Il faisait trop de bruit, ça dérangeait des clients. On parle de bruit comme dans des films d'horreur. C'est la patronne du restaurant qui dit ça. Le restaurant qui se trouve dans la région de Brenne, sur la chaussée de Tubize. Problème, ces personnes... L'éducatrice qui encadrait ces personnes handicapées a mis un message sur Facebook et de là est partie toute cette information. Est-ce qu'on peut simplement mettre à la porte des gens, qu'ils soient handicapés ou pas, parce qu'ils font du bruit? C'est une question que je vais poser tout de suite à mon invité Aïs de Beust. Bonsoir Aïs. Oui, bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Vous n'avez rien à voir avec l'histoire qui s'est déroulée dans le restaurant Le Monde des Petits sur la chaussée de Tubize, je précise quand même. Mais vous êtes restauratrice, responsable du restaurant Orange à Zaventem et vous avez une expérience de plus de 20 ans en salle. Donc vous êtes bien placée pour pouvoir nous dire si vous avez déjà eu ce genre de cas, ce genre d'expérience. Est-ce qu'on peut mettre un client dehors, qu'il soit handicapé ou pas? Comment est-ce qu'on gère quand un client fait du bruit, quand il dérange d'autres clients, puisqu'ici c'est le cas, c'est d'autres clients qui se sont plaints du bruit que faisait ce groupe? Bah écoutez, on a souvent le cas, certaines personnes se plaignent du bruit que font d'autres personnes, mais c'est pas à nous restaurateurs à réagir. Non, il est interdit de les mettre dehors. Lorsque cela se présente et le client vient se plaindre chez moi, cela arrive. Écoutez, allez le dire vous-même, s'il y a un souci, assurez. Mais moi, en tant que restauratrice, vous savez, certaines personnes crient plus fort que d'autres. J'ai déjà eu des personnes handicapées. Il faut accepter de vivre ensemble. Et un restaurant, c'est un endroit public. C'est un endroit où on est là pour partager un moment, chacun à sa manière. Donc non, je suis tout à fait contre le fait qu'on mette une personne à la porte parce qu'elle fait du bruit. On peut imaginer que la restauratrice, ici en l'occurrence, soit un peu perturbée si elle a une salle avec des gens qui lui disent c'est un vrai problème, ce groupe fait trop de bruit. Ici, ce sont des personnes handicapées, mais ça pourrait être vraiment quelqu'un qui fait simplement trop de bruit dans le restaurant. Comment on gère si la personne continue à faire du bruit? Si vous perdez peut-être la moitié de la salle qui après n'est pas contente. On peut comprendre qu'elle est peut-être pété un plomb à un moment donné ou pas? En acceptant le groupe, elle savait pertinemment que ça allait arriver. Tout simplement. Ces personnes-là font du bruit, les personnes handicapées. J'ai personnellement une soeur handicapée, donc je sais que ces personnes-là crient. Elle aurait dû le savoir, tout simplement. Je précise ici simplement que dans le cas de ce groupe, c'est des personnes qui n'ont pas la possibilité de parler, de s'exprimer réellement. Donc en plus, ça explique qu'il y ait eu du bruit. Votre expérience avec votre sœur, alors il y a déjà eu des problèmes dans des restaurants ou pas? Vous savez, on a été un restaurant étoilé et c'est avec grand cœur que j'accueille ce groupe chez moi. Parce que j'estime qu'ils ont le droit d'aller au restaurant comme toute autre personne normale. Et on doit apprendre à connaître ces personnes. Les personnes handicapées sont très gentilles. Après, on a des groupes, parfois de 20, 30 personnes qui peuvent chanter, qui peuvent rire. Mais que voulez-vous qu'on fasse? C'est de la bonne humeur. Là, on n'a pas le droit de... C'est arrivé que certaines personnes ne reviennent plus. Bon, ça, ce sont deux petites tables de deux. Ouais. Il faut accepter tout simplement qu'un restaurant, ce n'est pas un opéra. C'est un lieu de vie. On n'est pas au théâtre. Tout simplement, il y a à vivre avec les autres. Dans les familles aussi, il y a des personnes qui font plus de bruit que d'autres. Voilà, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul. C'est ce qu'ils pensent en général. Hein. Eh ben c'est merci. Un peu l'égoïsme. Merci voilà. pour votre avis, on entend en tout cas que chez vous, il n'y a pas de problème pour aller pas faire du bruit. Le but n'est pas de venir crier, mais en tout cas vous acceptez qu'il y ait de la vie dans votre restaurant Orange à Zaventem. Mais oui, il faut de la vie, il faut de la joie, et vivre ensemble et manger ensemble tout simplement. Merci pour ce message Aïs, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Carrément. Il est 17h27, je vous ai posé une question par SMS au 3063. Qu'allez-vous faire demain pendant le match à 15h de la Belgique face à l'Irlande? Nicolas est avec moi au téléphone, bonsoir Nico. Bonsoir. Bienvenue sur Vivacité, c'est quoi le programme de demain? Vous allez suivre ce match? Ah ben demain, oui, je vais suivre le match et je vais à Auray, donc un petit village près de Fosse-la-Ville. J'ai deux amis qui fêtent leurs 40 ans en même temps. On va voir le match avant et après on fête leurs 40 ans. Enfin, leurs 80 ans. La fête va être bonne, surtout s'il y a victoire. Surtout s'il y a victoire, oui. Un petit pronostic avant de partir, Nicolas? J'espère une victoire, mais je vois bien le match nul. Un match nul pour demain, d'accord, on attend. Oui. Nicolas, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci également, au revoir. Au revoir. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent la fête de la musique à Liège. Du 17 au 21 juin, c'est parti pour 5 jours de musique, 40 scènes et plus de 150 concerts gratuits. Tous les lieux et le programme sur fêtedelamusique.be. Une organisation de la ville de Liège et de PAC Liège avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la province de Liège, Sabam for Culture et Le Soir. Tu sais toi comment on appelle les habitants de Blégny? Les Blégniens, les Blégnésiens. Bienvenue à Blégny. Journée d'information ce dimanche 19 juin. Venez découvrir notre nouveau projet d'habitation situé en plein cœur de Blégny. Chez Matexi, la qualité de chaque habitation se retrouve aussi dans la convivialité de son quartier. Vous recevez tellement plus pour votre budget. Plus d'infos au 04 361 1804 ou sur matexi.be. Rendez-vous ce dimanche 19 juin de 14h à 18h, rue de l'Égalité à Blégny. Les Blégny, toi! Matexi, bienvenue chez vous. Du 4 au 25 juin, les magasins Schmitt proposent les offres sur mesure. Une cuisine au millimètre près, avec une offre à 6 400 €, électroménager inclus. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Du 4 au 25 juin, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt. Route du Condroit à Boncel, à NECFM, sur la route du 8WRM ou JC, chaussée de Tongres à Raucourt. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Pour sa grande quinzaine de l'occasion, le Garage U vous offre une deuxième année de garantie sur 80 véhicules de qualité. Garage U, à Chénet, au pied de la Côte d'Ambourg, et à Herstal, au rond-point Coromeuse. 2 ans de garantie sur 80 occasions Seat et Skoda. Skoda U, le service en plus. Vivacité et la Une présente du 10 juin au 10 juillet. Toutes les rencontres des Diables Rouges sur écran géant au Standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique, 10 000 places debout, en plein air, animation DJ, écran géant de 40 mètres carrés, grand parking et animations diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016 avec Circus, Ergo et la Meuse. C'est moi, Hip. Les Diables Rouges ne trembleront pas devant les Irlandais. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Vivez l'Euro 2016 avec Le Soir. À l'occasion du match Belgique-Irlande, recevez une bouteille de la légendaire bière irlandaise et levez votre verre à la santé des Belges. Une bouteille de bière gratuite, c'est ce samedi en librairie avec votre journal Le Soir. Le Soir, je lis, donc j'agis. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Votre déclaration en ligne, c'est beaucoup plus rapide. Parce que TaxonWeb en remplit automatiquement une grande partie. Juste un contrôle, un ajout ou une petite correction, et c'est fini. Pas encore d'accès? Surfez vite sur TaxonWeb.be. h 30, voici les titres de l'actualité avec Lionel Denebourg. C'est un résultat qui donne un peu d'air aux Diables Rouges avant leur match de demain. L'Italie s'impose cet après-midi contre la Suède. Victoire sur le fil 1-0. La Squadra qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Les barragistes de Swissport en grève depuis ce matin à Zaventem. Conséquence, la moitié des vols ont du retard. Plus embêtant, certains passagers se retrouveront sans valise à l'atterrissage. Une réunion est en cours entre la direction de Swissport et les syndicats. Une reconstitution en cours depuis plusieurs heures dans le quartier de la Chasse à Etterbeek. C'est de là que sont partis les terroristes du métro de Malbec le 22 mars dernier. Le quartier est cadenassé cet après-midi par les forces de l'ordre. Et puis on nous signale quelques inondations cet après-midi dans le Hainaut. Un bassin d'orage a débordé du côté de Moucron et des Tinpuis. Merci Lionel. Prochain point sur l'actu à 18h. La météo tout de suite avec Dominique. Et avec des averses qui vont disparaître ce soir et la nuit prochaine, on retrouvera par contre de la brume et des bandes brouillard, minima de 9 à 13 degrés. Demain, encore pas mal de nuages. Les averses vont s'espacer mais ne vont pas tout à fait disparaître. Maxima 14 à 18 degrés. Dimanche, légère amélioration. On va parler d'un temps sec avec un lent retour des éclaircies. Maxima 16 à 20 degrés. Le point RTBF Mobile Info tout de suite avec Marjorie Billot. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Avec sur l'autoroute de la mer un accident donc à hauteur de Witteren qui rend le passage difficile. Il y a 12 km de ralentissement depuis Alost et plus ou moins 25 minutes à ajouter à votre temps de parcours en direction de Gand. Sur le ring, ça reste chargé, surtout sur le tronçon Zaventem Grand Bigard, 40 minutes supplémentaires. Patience aussi de Tervuren à Zaventem avec là une vingtaine de minutes à ajouter. Il y a aussi des ralentissements suite aux travaux Anderlecht à partir de Bercel en direction de Grand Bigard et à partir de Dilbeek en direction de l'E19 vers Mons. Concernant aussi la Nationale 4 Bruxelles-Namur, accident à hauteur de Lonzé, passage difficile vers Namur et puis patience, vous perdez un peu moins de 10 minutes suite aux travaux à Sarlespa du côté de l'E42, Baptiste vers Prume, il y a 3 km de ralentissement. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. On va voyager dans un instant dans 5 à 7. On va voyager en Wallonie parce qu'il y a beaucoup de choses à voir chez nous. C'est les week-ends. Bienvenue Wallonie. On en parle dans un instant sur Vivacité. On parlera de voyages un peu plus lointains aussi avec une bonne nouvelle. 8 Belges sur 10 s'arrêtent en chemin pendant les vacances. C'est l'IBSR qui nous dit ça aujourd'hui. Mais attention, il y a une mauvaise nouvelle aussi. Je vous dis laquelle dans un instant. C'est qu'on est bons élèves, mais pas surtout. Vous verrez pourquoi je vous dis ça dans quelques secondes. On parle de sport aussi dans un petit instant avec Lise Burian. Ce sera la Gazette des Insolites de 7 euros 2016. Et demain, vous savez qu'à propos de 7 euros, il y a un match immanquable à 15h à suivre sur tous les médias de la RTBF, Belgique-Irlande. J'espère qu'on va le gagner tout à l'heure. Il y avait un auditeur qui nous disait qu'il voyait le match nul. Pascal est avec moi au téléphone. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous avez la chance de partir à Bordeaux pour suivre le match ce soir. Ouais, cette nuit, on démarre ce soir à minuit. Donc Soyez prudents sur la route. Hein. Arrêtez-vous toutes les deux heures. Parce qu'on va en parler dans un instant des arrêts. C'est prévu déjà. Donc, d'accord. Parce que j'ai déjà réuni dimanche soir. Ah oui, donc vous faites vraiment l'aller-retour, quoi. Ouais, tout à fait. De Bordeaux au Paradis. Vous étiez déjà à Lyon aussi, vous ? Oui, tout à fait. Vous allez faire tous les matchs des Diables ? Tous les matchs des Diables, ouais. Ah, vrai supporter. Et justement, comme vous étiez dans l'ambiance la semaine dernière, enfin, début de semaine pour la défaite, là, vous serez vraiment à fond derrière eux ou vous êtes déçu ? Non, à fond derrière eux. Ah bah, on compte sur vous pour crier bien fort dans le stade, alors. Tout à fait. Si vous avez entendu, il y aura plus d'Irlandais dans le stade que de Belges, hein, donc il va falloir donner de la voix. Hein. Ouais, 8000 en plus, quoi. Ouais. Donc il va falloir vraiment crier fort. On compte sur vous, Pascal, d'accord ? Ça sera l'inverse de Lyon. Je vous souhaite une excellente soirée. À Lyon, c'était noir, jaune, rouge. Ouais. Vous allez faire en sorte que quand même, au niveau du son, ce soit l'inverse, que ce soit les Belges qui soient plus puissants que les Irlandais. Un pronostic avant de partir, peut-être ? 2-0. Ah, ça c'est bien, oui. Ça c'est ambitieux. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne route, Pascal. Merci beaucoup. Au revoir. Pascal sera à Lyon pour ce match de demain à 15h. Et vous allez faire quoi ? Vous serez où ? Vous serez avec qui ? Vous me le dites par SMS au 3063. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Ce lundi 20 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Paulette ou Antoinette. Pour tous ceux qui rendent notre quotidien plus net. Faites comme moi, dans ces fleurs. Ce lundi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Avec le soutien de la PACW. Vivacité présente le temps des guinguettes au domaine provincial de Chevetogne. Venez vivre les plaisirs simples d'une fête populaire à l'ancienne. Guinguettes, musique, danse, jeux, théâtre de rue, joutes nautiques, marché du terroir. Les samedis 25 et dimanche 26 juin dès 11h. Info sur domainedechevetogne.be. Avec votre journal 7 dimanche et la bière La Chevetogne. Comment bien acheter quand... on voit la vie en rose. Alors on aime forcément le rosé. Oh oui. Et on va chez Delhaize. Jusqu'au 29 juin, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres, identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Delhaize. Bien acheter. Bien manger. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Et qui dit rosé, dit barbecue. Avec les délicieuses viandes Delhaize. Maintenant chez AVV, 20% de réduction sur les désherbeurs thermiques et les accessoires. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Une maison Batico ? Oui, une maison prête à vivre. Tout est vraiment fini. Vraiment ? Et l'extérieur ? Ils ont pensé à tout, des raccordements aux plantations. Tout est entièrement terminé. Oui, mais à l'intérieur ? Aucune surprise, tout y est. Volets, parquets, meubles de salle de bain et même une cuisine entièrement équipée avec électro de qualité allemande. Et le délai ? Et le prix ? Chez Batico, pas de mauvaise surprise. Les prix sont renseignés, tout frais compris. Et les délais ? Ils sont toujours respectés. Batico, plus qu'un nom, une signature. Surfez dès maintenant sur batico.be. Oh là là, Marc, t'as remarqué que ta voiture était complètement abîmée par la grêle ? Hein ? T'es sûr ? Oh oui, et j'ai eu le même problème. Mais heureusement, je suis allé à la carrosserie Piron. Ils m'ont fait un check-up gratuit. Et en plus, ils sont réparateurs grêle agréés par toutes les compagnies d'assurance. Tu devrais leur demander de jeter un œil. Ils sont dans le zoning des Plaines à Thémistère-Clermont et sur piron.be. Vous savez qu'il y a un dieu de la musique qui va venir en Belgique. Hein. Il y aura Paul McCartney qui sera à Werchter, ce sera le 30 juin prochain. Et avant sa venue, bah, il sera ce week-end à l'honneur sur Vivacité. Vous avez rendez-vous ce dimanche dans ces années-là, dès 10h30 sur Vivacité, avec Stéphane Piedbeuf qui sera là pour vous proposer le meilleur de sa carrière, de son tout premier album en 1970 à My Valentine qui est sorti en 2012. Et vous allez pouvoir repartir avec le double CD Best Of de Paul McCartney. Soyez donc au rendez-vous ce dimanche dès 10h30 sur Vivacité. Rien qu'à entendre ces quelques notes, on a déjà envie d'être dimanche. 17h, 19h, 5 à 7. On a envie d'être samedi aussi. Décidément, ce vendredi ne sert à rien. On veut juste être demain 15h. On va parler de l'Euro 2016 avec vous, Lise Burion. Bonsoir, Lise. Bonsoir, Cyril. Alors, il y a du sport, mais il y a aussi la grosse polémique et la suite de cette polémique du Pogba d'honneur. Bah oui, ce geste hein, du Français vers la tribune officielle, tribune de presse aussi, c'était dans le stade de Marseille avant-hier. Alors, je crois que Françoise Aleski vous a déjà parlé hier de la polémique en elle-même. Figurez-vous que le joueur s'est fendu d'un communiqué, tout de même, finalement, pour s'excuser Non, en fait, il s'est pas excusé. Eh non, en fait, non. Il a expliqué qu'il n'avait voulu s'en prendre à personne, il avait voulu se venger de qui que ce soit non plus. Hein. Il avait pas de volonté de vengeance. En fait, alors c'est là que c'est assez bizarre son explication. Il dit s'être tourné vers la tribune où était sa famille pour faire sa sarabande habituelle, bras en l'air, poing levé, rien de plus, rien de moins. Donc, c'est vrai, ça continue d'alimenter les conversations évidemment en France. Hein, on est un peu traumatisé en France avec le comportement des joueurs ces dernières années. La fédération de football n'a pas trop réagi. Son président est plutôt du genre à les protéger, hein, les joueurs, et puis n'ont pas envie d'une contre-publicité parce qu'ils essaient depuis des années d'un petit peu redorer l'image des Bleus. Mais dans l'esprit du grand public, on est quand même toujours avec cette image de sale gamin et le bus de Krishna donc lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc ça n'aide pas. Alors, nos confrères de l'équipe qui suivent de très près les Bleus se demandent tout de même si c'est vraiment Pogba qui a sorti sa plus belle plume et qui nous parle dans son communiqué de sarabande. Est-ce que c'est ce genre de... Voilà, j'ai fait ma sarabande vers ma famille. Ouais. C'est pas un vocabulaire de footballeur. Ils se disent que ça doit ressembler plutôt au style du responsable presse des Bleus. Mais bon, voilà, c'est pas des excuses. Ça continue d'être un peu du flottement. Bah moi, s'il l'a pas fait, il l'a pas fait. Bah, déjà, personne ne l'a vu. Si, nous, c'est la RTBF qui a diffusé la première les images. Mais il y a une capture. Il y a carrément la vidéo, oui. On voit vraiment un bras d'honneur. On voit le bras d'honneur. TF1 ne diffusait pas. Ah, peut-être que ça chatouillait au milieu du bras. Il a pas fait ça. Ça continue, donc ça n'aide pas à la sérénité autour de l'équipe de France. Nous, au moins, pour l'instant, on est à l'abri de ce genre de choses avec les Diables, hein, mine de rien, qui se concentrent sur leur match pour le moment. Mais le plus chouette dans tout ça, moi, je trouve, c'est la réaction de la Suisse via les réseaux sociaux sur le compte Twitter de la Suisse. Ils jouent un petit peu avec les Français avec ce message. Et la France, c'est pas Pogba votre problème, c'est nous votre problème. C'est bon, donc, ça. Ils ont profité un petit peu du buzz ironique qui s'arrime avec Helvétique. Ah bah, c'est bien trouvé, ça. Alors, de quoi remonter le moral des supporters belges? C'est les Diables Rouges qui ont quand même une grande chance de gagner l'Euro. Bah oui, figurez-vous que le site shopalike.fr, c'est un site commercial, c'est basé sur les tenues des vainqueurs de l'Euro depuis 1960. Donc couleur du maillot, type de col et avec ou sans motif. Je vous le donne en mille pour gagner. Il vaut mieux jouer en rouge. Ah bah avec un col V et du motif, même. Col V et motif, ça cadre avec le maillot des Diables pour le moment. Bon, ça cadre aussi avec l'Espagne, hein, normal, mais aussi la Russie, qui est quand même bien mal embarquée dans cet Euro. C'est pour nous alors. Mais donc pour ce site Shopalike, 25% de chance pour que la Belgique gagne l'Euro, quand même, hein, une probabilité très très scientifique. Ouais. Les chances de l'Allemagne et de l'Angleterre tombent vers les 2% quand on se base sur le maillot. Donc bon, voilà, hein, vous faites ce que vous voulez avec les chiffres. Sinon, la deuxième couleur, c'est le blanc pour le maillot, et puis le bleu. Ah, la France peut-être. Voilà, qui peut-être. Sait, quand ils arrêteront de faire des bras d'honneur. Un autre classement, celui des footballeurs les plus suivis sur Instagram et le réseau social très axé sur la photo. Ça, on le sait forcément. Ouais, il y a beaucoup de footballeurs qui utilisent Instagram, beaucoup de stars, même en dehors du football. Alors, pas de Belges dans le top 10 des footballeurs les plus suivis. Le pays qui domine, c'est l'Espagne, avec 4 joueurs dans ce top 10. Alors, celui en 7e position, c'est un peu facile, c'est Monsieur Shakira, Piqué. Donc, je pense qu'il va piquer justement quelques fans de Madame, hein, pour faire monter son chiffre. Il est devancé quand même par Casillas, Ramos et Iniesta, mais il est aussi très très chambreur. C'est un joueur du Barça, il chambre beaucoup les joueurs du Real. Donc voilà, il y a quand même 8,5 millions d'abonnés qui suivent l'ami Piqué. Alors le top 3, évidemment, sont des stars. Zlatan, troisième de ce classement Instagram. 15 millions d'abonnés pour Zlatan. Sympa, quelques vidéos sur son compte I am Zlatan Ibrahimovic. Voilà, évidemment. Gareth Bale, deuxième, le Gallois, 18 millions de suiveurs. Ça aide apparemment de jouer au Real parce que le numéro 1, sans surprise, c'est Cristiano Ronaldo. Au top, hein. On sait qu'il maîtrise son image, il en joue, Instagram ça lui va très très bien comme réseau social. Alors il poste pas vraiment de photos de nourriture, hein. C'est très populaire pourtant sur le réseau, mais chez Ronaldo, c'est lui. Et ses abdos. Bien, quand même. Ses abdos aussi. Et alors, pas mal de photos en coulisses et beaucoup de photos de son fils aussi, Ronaldo. Tout ça devant 62 millions d'abonnés. C'est hallucinant quand même, 62 millions de personnes regardent les abdos de Ronaldo. Le compte, tout simple, Cristiano. Donc si vous voulez aller suivre, c'est Cristiano sur N'hésitez Instagram. N'hésitez pas à le follower sur Instagram. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs de son hôtesse. Pas de nouvelles. Il n'y a pas encore de shooting photo prévu avec cette hôtesse. J'ai pas trop suivi, mais donc oui, l'hôtesse à qui il a jeté un regard appuyé en montant sur le terrain contre l'Islande. De nouvelles. Elle avait demandé un shooting avec lui, on verra si ça se fait. Un peu de tourisme au Pays de Galles aussi aujourd'hui, Lise. Oui, dans un petit village du Pays de Galles qui s'appelle Bala. Alors 2000 habitants, son lac, son golf, c'est sympa, hein, mais bon, personne ne connaît Bala. Alors son bourgmestre a une idée de génie, rebaptiser son village Baël pendant l'euro. Donc on change le E, le A final de Bala, ça devient Baël. Hommage bien sûr à Gareth Baël, la star galloise dont on vient de parler d'ailleurs. Alors les panneaux routiers ont été changés jusqu'au bout du parcours des Gallois dans le tournoi. C'est un sympathique coup de pub pour la ville. C'est pas mal, ouais. Et c'est vrai qu'on sait pas où c'est. Il y a même un chanteur qui a fait une chanson sur ce village qu'on ne connaît pas. C'est Vianney, vous savez. Il fait mais t'es où Bala, t'es où, mais t'es Bala, t'es où Bala. Voilà. Voilà. Là-dessus, on va enchaîner. On va passer à la suite. Merci Cyril. Merci Lise. À tout à l'heure pour le journal des sports. C'est vendredi et le vendredi, dans le 5 à 7, on cherche à avoir des bonnes idées pour le week-end. Et ça tombe bien, puisque justement, ce week-end, il y a le Wallonie Week-end Bienvenue. On va partir tous à l'Aube, à Incourt, à Durbuis ce week-end. Et on va en parler avec Karine Braise. Bonjour Karine. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Wallonie Week-end Bienvenue, ce sont les habitants du coin qui donc nous font découvrir leur région. Ils nous accueillent chez eux, nous font découvrir leur passion et ils nous font visiter leur jardin aussi. Ils nous font goûter également des produits du terroir. On peut mieux dire, c'est très sympa et c'est gratuit. Alors on a L'Aube en Hainaut, Incourt en Brabant Wallon et Durbuis en province de Luxembourg au programme samedi et dimanche. Alors par où on commence ? On commence par L'Aube en Hainaut. Un passionné de météo vous montrera sa station de mesurage, ses instruments d'observation. Il vous expliquera la rigueur dans le travail d'observation pour la météo. Allez-y parce qu'après vous ne direz plus qu'on se trompe parfois dans les prévisions météo. Ça c'est à L'Aube. Il y a plein d'autres activités mais on ne peut pas toutes les citer hein, faute de temps, sinon l'émission devrait durer pendant tout le week-end. La liste complète vous la retrouvez sur le www.wallonie-bienvenue.com. Il y a un cours aussi au programme. Avec 43 ambassadeurs, 43 responsables d'activités, 43 personnes qui vous accueillent si vous préférez. Il y a une exposition sur les coiffes de policiers, un siècle retracé par l'évolution des képis de ces messieurs. C'est plutôt rigolo, non ? Ah, vous aimez l'uniforme, vous ? Bah écoute, pas spécialement, mais je trouvais ça original. Pour Durbuis, j'ai aussi pensé à vous. Qu'est-ce que vous allez me sortir ? Des dégustations de bière. Ah, bien vu. Voilà. C'est une famille qui brasse sa bière et qui nous accueille. À Durbuis, vous visiterez aussi plusieurs jardins. Et le musée des outils agricoles d'autrefois. Le programme pour Durbuis, ça c'est mon idée, je trouve que c'est plutôt axé vers la récup. Pour la récap, ça c'est pour vous. Alors Wallonie, week-end, bienvenue demain et dimanche, c'est de 10h à 18h à L'Aube, en Hainaut, à Incourt, en Brabant-Wallon et donc à Durbuis, en province de Luxembourg. Au total, plus de 120 activités sur les trois régions, il y a de quoi faire, c'est gratuit et les infos, on les retrouve sur wallonie-bienvenue.be. C'est bien ça ? Vous êtes parfait Cyril. Et ben bon week-end Karine. Bon week-end à tous. Grande braderie de Warem, c'est 24, 25 et 26 juin. Vendredi dès 15h, samedi et dimanche dès 10h avec concerts, défilés de mode, blind test, Jack Mouth et ses flaeux, djembé, zumba et le beach volley de Warem les 3 jours. Faites le plein d'animations et de bonnes affaires à la braderie de Warem. Navette et parking gratuit au départ du collège Saint-Louis. Bienvenue à tous. Fred, vite, il y a une éclaircie. On se ferait pas un petit barbecue? T'inquiète, je fonce chez Red Market. Il y a tout ce qu'il faut pour un barbecue réussi à petit prix. Et invite une brochette d'amis. Oh, ce Fred Market, toujours le bon plan. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Bonjour, c'est Michy Batshuayi. Comme Vivacité, je suis complètement fou. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. S'il y a un modèle Citroën pour chaque tempérament, il n'y a que Citropole pour vous offrir un service VIP. Citropole, la référence Citroën en province de Liège. Portes ouvertes du 13 au 18 juin inclus. Prime de reprise surprenante jusqu'à moins 50% sur les options et offre alléchante sur le stock. Offre soumise à condition. Citropole, Citroën en province de Liège. Citropole.be. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh, le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Le Festival de Dour, un des plus grands festivals d'Europe, revient pour 5 jours d'amour et de musique alternative avec des noms mythiques et des sons de demain. Danak Hill, The Prodigy, Sigur Rós, Wiz Khalifa, Pixies et bien d'autres encore. Dour Festival, du 13 au 17 juillet. Plus d'infos, dourfestival.be. Avec le soutien de Vivacité et La 2. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. Attention, attention. Si vous voulez partir au Canada, si vous voulez partir au Québec pour profiter d'une semaine de vacances avec la personne de votre choix, c'est là maintenant qu'il va falloir jouer. Après, ce sera trop tard. Je vous le dis tout de suite. C'est la dernière occasion de vous inscrire. Vous gagnez aujourd'hui un panier gourmand avec plein de bonnes choses, plein de bons produits québécois. Et alors, tout à l'heure, en fin d'émission, on verra qui des 5 finalistes de la semaine gagnera son séjour d'une semaine pour 2 personnes au Québec. Alors, écoutez bien comment jouer. Vous allez devoir écouter cette expression qui est en québécois et me la traduire en français. Vous êtes un peu le Google Translate cet après-midi. Écoutez bien l'expression québécoise du jour. Lâcher son fou. Lâcher son fou. Si vous savez ce que ça veut dire, vous m'envoyez maintenant votre SMS au 6003 avec la réponse pour 75 centimes le message. Et avant 18h, on saura qui sera le dernier finaliste de cette semaine. Lâcher son fou, vous m'envoyez maintenant la traduction au 6003. Bonne chance. 5 à 7. Je vais accueillir Benoît Godard tout de suite. Vous êtes porte-parole de l'IBSR. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes là ce soir pour deux choses, parce qu'on doit à la fois féliciter les auditeurs de Vivacité et en même temps les engueuler pour quelque chose. Les féliciter d'abord parce que il y a des bonnes statistiques sur le fait que les Belges s'arrêtent sur la route quand ils partent en vacances. Oui, ça va même un peu plus loin que ça. Nous avons constaté que 8 Belges sur 10 s'arrêtent pour se reposer. Ça, c'est bien. Long trajet. Or, on sait que c'est le meilleur moyen pour lutter contre la fatigue au volant. Il faut savoir quand même que sur les routes des vacances, en France, on estime qu'un accident sur 3 qui a lieu sur les autoroutes est dû à la fatigue. D'où l'importance vraiment de faire une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, qui vous rebooste et après laquelle vous pouvez partir en ayant vraiment pris un nouveau dynamisme. Donc ça, c'est très important. Et c'est même beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Donc vraiment, là, on peut les féliciter. Là où le bât blesse, par contre, c'est que les Belges s'arrêtent en moyenne au bout d'un peu moins de 3 heures de route. Aïe, alors aïe, que, c'est trop long. Oui, c'est un peu long. Quand on doit vraiment se concentrer pendant 3 heures sans s'arrêter, c'est beaucoup. Souvent avec les enfants qui sont derrière, qui sollicitent fort les parents aussi. Donc le conseil que l'on peut donner, c'est de vraiment s'arrêter après deux heures, et de ne pas nécessairement s'arrêter pour longtemps, ne serait-ce que 5-10 minutes, prendre l'air, ça peut déjà faire un bien fou. Donc ça, c'est très important à noter, c'est bien toutes les 2 heures. Si on change de conducteur à ce moment-là, est-ce qu'on prend quand même l'air 10-15 minutes ou le fait que c'est quelqu'un d'autre qui conduise, on peut directement y aller? Oui, on peut directement y aller. Le fait de changer de conducteur, évidemment, ça change tout. Sachant quand même que la personne qui a été assise à côté en tant que passager aimerait peut-être aussi se dégourdir les jambes. Et donc, de s'arrêter ne serait-ce que 2-3 minutes, prendre l'air, aller... faire une pause pipi, aller chercher une bouteille d'eau, ça peut toujours être intéressant. Il y a plein de choses à faire sur les aires d'autoroute en plus généralement. Benoît, oui. Quelques autres astuces peut-être avant les départs en vacances, tout le monde se prépare là, c'est tout bientôt quand même les vacances. Mais deux chiffres qui sont assez interpellants, le risque d'avoir un accident est triplé pendant les 100 derniers kilomètres du trajet. Or justement on a tendance à dire oh, il ne me reste plus que finalement pas beaucoup, ouais, je trace un peu, et je ne m'arrête plus. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que l'accident se produit. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, de vraiment faire attention aux pneus. Le sous-gonflage des pneus est un problème d'un accident sur 3 qui a lieu au mois de juillet ou sur les autoroutes françaises. Et donc, vraiment, surgonfler légèrement vos pneus lorsque vous partez en vacances, vu la charge que vous transportez. Ouais. Mais surtout, ne les négligez pas. Nous avons, nous, mené une action sur le terrain juste avant le départ en vacances et on avait vu qu'on était dans une proportion de 1 sur 4 pratiquement qui avait des pneus qui étaient vraiment détériorés et certains ne refusaient même le changement que on leur proposait juste pour gagner un quart d'heure, 20 minutes. Ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Donc on fait attention à ça. Cajoler cette pneus, oui. Eh ben merci beaucoup Benoît pour ces précisions et ces quelques conseils avant de prendre la route des vacances. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt Benoît. Oui, et bonnes vacances. Au revoir. Il est 17h53. J'espère que les vacances, vous pourrez bientôt les prendre. Peut-être au Canada pour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, vous êtes de Halleur en région liégeoise et vous avez envoyé un SMS parce que vous avez reconnu, vous avez compris l'expression québécoise du jour. Est-ce qu'on a l'expression du jour à reconnaître? C'est celle-ci. Lâcher son fou. Attention Alexandre, si vous avez la bonne réponse, si vous savez ce que ça veut dire en français lâcher son fou, vous repartez peut-être avec le séjour, en tout cas avec un panier garni, ça c'est sûr, et peut-être que tout à l'heure je vous appelle pour gagner le séjour au Canada. Alexandre, est-ce que vous avez la réponse? Eh bien pour moi je pense que ça veut dire s'amuser. Vous Lâcher son fou, c'est se laisser aller, s'amuser. Alors ça va, c'est vendredi, la semaine est finie, et vous allez peut-être bien gagner un voyage au Québec. Alors, lâchez votre fou maintenant. Ah ben voilà Alexandre, on peut lâcher son fou, on y va. Ah ben c'est super, génial. Eh ben je vous souhaite bonne chance pour tout à l'heure, pour la finale. En tout cas, vous repartez grâce à Maple Abroad avec un panier dans lequel il y a plein de bons produits québécois. Il y a des produits québécois que vous aimez particulièrement? Ah, tout ce qui est avec sirop d'érable. Ça c'est bon. Hein. Je prends. Le beurre d'érable, vous avez déjà goûté ça, le beurre d'érable? Pas encore, mais c'est dans le panier. Alors, tartine un peu chaude. Vous mettez un petit peu de beurre d'érable dessus, vous laissez fondre ça, et c'est juste une tuerie, ça, comme dirait Candy, c'est une tuerie. Vous allez pouvoir goûter ça, puisque Maple Abroad vous en envoie. Je vous souhaite une excellente soirée, Alexandre, et peut-être à tout à l'heure pour la finale. Bonne chance. Merci, merci. Il est l'heure tout de suite de retrouver le cactus des Jérômes de Warzé. C'était ce matin dans le 8-9, et c'est à nouveau ce soir dans 5 à 7. Voici le cactus de ce matin. Et dans le cactus, nous recevons M. Mayer. La nouvelle a donc fait l'effet d'une bombe. Hein. Le Conseil d'État veut suspendre le piétonnier. Yvan Mayer, bonjour. Bonjour, M. Maréchal. C'est lui. Je me permets de me réinviter, puisque manifestement, vous ne jugez plus pertinent d'évoquer cette œuvre majeure du patrimoine touristique bruxellois qu'est le piétonnier. Dans votre excellente émission, c'est vous qui le dites. Ah, merci, M. Mayer. Préférant vous repaître, vous et votre auditorat de baraki, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la chaîne du bureau d'à côté. C'est vrai. Préférant donc des histoires de chihuahua maltraités ou de vidéos en ligne de viol via périscope, ce qui, je l'admets, doit être douloureux, même si je présume que ça dépend de la taille du sous-marin. Monsieur Mayer. Monsieur Maréchal. Monsieur Mayer. Monsieur Maréchal, suspendre le piétonnier, voilà bien une nouvelle absurdité à la Belge, mais une preuve que mon œuvre équivaut à une des sept merveilles du monde. On veut suspendre mon piétonnier tel les jardins de Babylone. Évidemment, techniquement, le suspendre, cela risque d'occasionner des frais pharaoniques. Car le suspendre, oui, mais à quelle hauteur? Où trouver des grues, monsieur Maréchal? Et surtout, comment y accéder? Partant du principe que tous les ascenseurs du centre-ville sont soit défectueux et squattés par des sans-abri. Je crois que vous n'avez pas compris. Donc l'auditeur du Conseil d'État veut suspendre le projet. J'avais très bien compris. J'ai tenté de vous enfumer en détournant la question pour en tirer profit à des fins personnelles. Excellente technique, très utilisée en politique, ainsi que sur Vivacité entre 9h et 11h. Je ne l'aime pas, ce Mayer. Ceci étant posé, personne ne m'aime, monsieur Maréchal. L'opposition jubile. Alain Courtois danse la Zumba dans les rues avoisinantes. C'est Alain Courtois qui, ne l'oublions pas, a géré le dossier du Stade National, aussi bien que Marc Wilmots n'a géré la tactique contre les Italiens. On fait croire qu'on est les plus forts et qu'on a tous les atouts en main, et on ne connaît rien de l'adversaire d'en face. Oui, alors vous aviez d'abord parlé de rétrécir le périmètre du piétonnier, quand même. Non, on m'a conseillé de rétrécir le périmètre de mon gros coup. Peine perdue. Mais je voudrais vous dire ceci, on ne parle pas de ce qui va bien dans ce piétonnier et des initiatives qui ont été prises, comme par exemple celle-ci qui a impacté tous les commerces du centre. Nous y avons installé une table de ping-pong supplémentaire. L'effet a été immédiat. Le nombre de clochards a quadruplé. Et grâce à cet excellent chiffre, nous atteignons désormais le nombre minimum de participants pour y organiser des tournois hebdomadaires. Convivialité, attractivité sportive, goût de la compétition. Tout cela ouvrant bien sûr l'appétit. Et après l'effort, je ne doute pas une seconde que ces clochards se rueront au comme chez soi pour dévorer un menu Évidemment. L'offre de ce piétonnier est donc toujours très attractive. Et je vous rappelle qu'il est toujours aussi facile d'accès puisqu'une navette effectue des trajets réguliers de la place de Brouckère à la Bourse tous les mardis matins entre 10h et 10h30. Voilà, mais de quelle attractivité vous parlez? On peut faire patrouiller les militaires à pied. Ah, oui, sans oui. leurs véhicules, gaz économiques et environnementaux, d'où mon surnom, le malade environnemental. En cas de grève, les barrages filtrant dans le piétonnier n'emmerdent personne. Et j'irai même plus loin que le tournoi de ping-pong. Je compte mettre sur pied un gigantesque mémorial Ivo Van Damme urbain. Avec des épreuves presque olympiques comme la marelle. le tag sur banc public, la balle pelote sans balle pelote, beaucoup plus aléatoire et tactiquement pas évident du tout, le 200 mètres détritus, monsieur Maréchal, le lancement de la pita avariée, le marathon pour trouver une place de parking quand on arrive au centre-ville avec sa voiture, la marche forcée avec un frigo sur le dos pour les livraisons, bref, monsieur Maréchal, l'aventure continue et je serai ravi d'accueillir les Diables Rouges sur mon piétonnier, triomphant bien sûr, et pas plus tard que samedi soir, puis je rappelle que si cet après-midi, la Suède bat l'Italie et que demain, nous perdons contre l'Irlande, on rentre tous à la casa. Voir Thibaut plonger sur un grand écran ? Chez Vandenborg, nous sommes prêts pour le foot. Avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborg. Est-ce que demain, on verra la Belgique gagner sous le soleil, Dominique ? Eh bien, demain, il y aura encore pas mal de nuages. Donc, c'est plutôt pas gagné de ce côté-là. Les averses vont s'espacer, mais ne vont pas tout à fait disparaître. Maxima, 14 à 18 degrés. Par contre, dimanche, on nous annonce une amélioration. On parlera de temps sec avec un lent retour des éclaircies. Maxima, 16 à 20 degrés. Je vous dis déjà que la semaine prochaine, de lundi à mercredi, le retour du soleil est annoncé avec des températures qui vont remonter 17 à 22 degrés. Le printemps venait donc en train, ce qui explique son retard. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. En un geste, il a mis au sol un policier, un commissaire lors de la manifestation nationale dans les rues de Bruxelles. Son procès débute, le manifestant regrette son geste, excuse acceptée par la victime. Il a 13 ans, il n'avait pas son abonnement de train. Un jeune d'Herculine dans le Hainaut a été sorti du train et laissé dans une gare déserte. Les parents portent plainte, la SNCB va entendre l'accompagnateur, mais elle reconnaît qu'on ne doit pas abandonner un mineur. Vous payez votre steak de bœuf 30% plus cher qu'il y a 10 ans. Vous l'entendrez dans les boucheries, on ne s'en est pas rendu compte, mais on voit très bien que le Belge a moins d'appétit pour cette viande. Italie, 6 points. Les Italiens sont les deuxièmes qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro. C'est l'heure du journal sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. L'image a choqué, celle d'un manifestant qui frappe très violemment un commissaire de police à Bruxelles le 24 mai lors de la manifestation nationale. Trois semaines plus tard, l'agresseur est jugé. Son procès a débuté devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. C'est une procédure accélérée. Roland Brunel, vous nous dites quel était l'état d'esprit de cet homme aujourd'hui à l'audience. Interrogé dès le début de l'audience par le président Hénard, le manifestant poursuivi et auteur présumé des coups au commissaire a d'emblée exprimé des regrets que le commissaire Van der Smissen lui-même et son avocat Sven Marie ont considéré comme sincères. Je pense véritablement pas que c'est un casseur. Je pense pas que le commissaire Van der Smissen pense que c'est un casseur. Et son état d'esprit à monsieur Van der Smissen est celui de quelqu'un qui accepte ses excuses et ses regrets. Une réaction que la défense du manifestant violent a appréciée et interprétée comme un premier signe d'apaisement. Maître Pierre Huet. Il est venu à l'audience avec évidemment beaucoup d'appréhension parce qu'il allait rencontrer le commissaire Van der Smissen. Je pense qu'il était soulagé d'entendre que ses propos étaient compris. Et il a aussi été sensible à l'attitude du commissaire Van der Smissen, qui a exprimé la considération que les regrets de M. Fourré étaient sincères. Reste que l'agression qu'il estime instinctive et amplifiée par l'alcool, l'avocat Sven Marie, lui, n'y croit pas. Je pense que quand on voit les images et quand on voit la préparation, je veux dire, c'est se placer, c'est attendre, c'est observer le commissaire et puis partir pour le frapper avec une distance quand même à parcourir, c'est plus instinctif. 30 mois de prison avec sursis ont été requis. Le jugement sera rendu en principe le 24 juin. Plusieurs rues bouclées cet après-midi à Etterbeek pour une reconstitution autour de l'appartement d'où sont partis les terroristes de l'attentat dans le métro à Malbec. Khalid El Bakraoui est mort. Osama Krayem lui a fait marche arrière. C'est dans cet appartement qu'ils ont préparé leur sac bourré d'explosifs. Après l'attentat, un complice a complètement nettoyé les lieux. La grève est totale chez Swissport à l'aéroport de Bruxelles. Les bagagistes ont débrayé ce matin. Le personnel de nettoyage et de contrôle des valises ensuite. Les employés protestent contre le manque d'effectifs. Des passagers ne récupèrent donc pas leurs bagages. D'autres partent sans. Un vol sur deux à Bruxelles accuse cet après-midi un retard d'une dizaine de minutes en général. Pas d'abonnement, pas de train, et même à 13 ans. Un adolescent d'Erquelines dans le Hainaut a été prié de descendre du train. Il n'avait ni abonnement, ni portefeuille. Sauf que le jeune a été laissé dans une gare déserte. Les parents sont stupéfaits. Une mésaventure que nous raconte Grégory Faube. Maxime se rendait à l'école quand il a été contrôlé sur la ligne Lob Erquelines. Sa maman Marie-Noël Lehmann raconte. Et là, il s'est aperçu qu'il avait oublié son portefeuille à la maison. Donc, il a informé le contrôleur qu'il avait oublié son portefeuille. Puis le contrôleur lui a donc demandé s'il avait une carte d'identité. Donc il lui a répondu non, puisque j'ai oublié le portefeuille complet à la maison. Et apparemment, d'après mon fils, il lui aurait dit « dégage, sors du train ». Maxime se retrouve alors à la gare de Fontaine-Valmont, une gare déserte où il n'y a pas de guichet. L'attitude du contrôleur étonne Véronique Pirot, la porte-parole de la SNCB. S'il a vraiment agi de cette façon, il n'a pas respecté la procédure. Alors, on peut dans certains cas envisager qu'on débarque un voyageur. En aucun cas, ça ne sera un mineur d'âge. En aucun cas. Et si jamais il fallait débarquer un mineur d'âge, ce serait d'office dans une gare où il y a du personnel de gare pour pouvoir l'accueillir et l'assister. La maman de Maxime a déposé plainte. La SNCB va maintenant mener une enquête interne et entendre le contrôleur afin qu'il puisse donner sa version des faits. Un récit de Grégory Faube avec Joël Myrte. Un violent orage fait déborder un bassin d'orage à Moucron. Le canal de Lépierre déborde à Lesnor. Une vingtaine de maisons sont inondées. L'eau a envahi les rez-de-chaussée. Quelques problèmes aussi dans le Tournaisis. Et à Vezon, déjà sous eau il y a deux semaines. À 94 ans, un ancien SS est condamné à une peine de 5 ans de prison. Oui, Reinhold Hanning était gardien dans le camp d'Auschwitz. Daniel Fontaine, la justice allemande le condamne pour complicité dans la mort de 170 000 juifs. Reinhold Hanning l'a reconnu lui-même dans une confession écrite. Il savait qu'une grande partie des gens qui arrivaient en train à Auschwitz étaient ensuite abattus, gazés et brûlés. Sa défense réclamait l'acquittement en raison de l'absence de preuves de sa participation directe au meurtre. L'accusation ne lui reprochait aucun acte criminel précis, mais elle a souligné qu'il était un rouage d'une machine d'extermination constituée par l'ensemble du personnel du camp. La cour a reconnu l'ancien gardien de 94 ans coupable de complicité dans la mort de 170 000 personnes. Il a été condamné à 5 ans de prison pour son rôle dans les différentes formes de l'extermination, allant des chambres à gaz aux exécutions et aux meurtres par sous-alimentation. Pour les survivants de la Shoah et les descendants des victimes, ce procès marque un grand pas, même tardif, dans l'examen complet des meurtres de masse commis à Auschwitz. Le Premier ministre britannique à Birstall, là où une députée travailliste a été abattue hier en pleine rue. David Cameron lance un appel à la tolérance. Nous sommes 65 millions à vivre ensemble, à travailler ensemble, à nous entendre, a-t-il déclaré. Et il convoque le Parlement lundi pour un hommage à Joe Cox. Le prix de la viande de bœuf n'a cessé de grimper en 10 ans. Et aujourd'hui, elle coûte 28% plus cher qu'en 2005. Une hausse importante et ce chiffre est officiel. Il vient du Service public fédéral économie. Julie Beuron, le ticket de caisse augmente, mais est-ce que le consommateur s'en est rendu compte et est-ce qu'il change ses habitudes ? Eh bien, pas vraiment. Je me suis rendue dans une grande surface de Mons aujourd'hui où le rayon boucherie ne reste pas longtemps sans clients. Et s'il faut attention au prix, les clients, ce n'est pas toujours pour une question de budget. Cette consommatrice le confirme, elle achète régulièrement de la viande de bœuf. Régulièrement, mais seulement de la qualité. C'est une priorité de manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Donc vous ne regardez pas trop au prix alors ? Ah, je regarde le prix parce que c'est souvent un indice quand même de la qualité. Et donc je préfère en manger moins souvent, mais en mettant peut-être un prix plus important pour avoir la qualité. Alors Julie, cette augmentation d'un tiers du prix est passée inaperçue au fil des ans. Est-ce que les bouchers sont plutôt d'accord ? Oui, j'en ai rencontré un, Pierre Flamand. Il est le patron d'une boucherie qui a pignon sur rue à Mons depuis plus de 50 ans. Ces 28% le laissent aussi sceptique. Il parle plutôt de 15% d'augmentation. Par contre, il nous confirme le désamour du Belge pour le bœuf. En 8 ans, sa consommation a diminué d'un quart. C'est vrai que la vente de bœuf diminue. Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui viennent en ligne de compte. Peut-être le prix, comme on dit, parce que c'est vrai que c'est une viande qui revient assez chère. D'après les morceaux qu'on achète, dans la viande, vous avez des morceaux nobles qui sont les filets purs et autres qui coûtent un certain prix, mais vous avez les viandes en carbonate, des viandes américaines qui, elles, coûtent moins cher à l'achat. Et justement, les morceaux destinés aux plats mijotés sont ceux qui marchent moins bien. Enfin, à la cellule Infoviande, on rappelle la mauvaise image de la viande de bœuf. Coût de production élevé, excès de consommation nocif pour la santé. Et puis on précise que le Belge préfère la viande au restaurant plutôt qu'à la maison. Or, au resto, eh bien, à la carte, on trouve le plus souvent du bœuf français, irlandais, argentin, voire même japonais, mais pas du belge. Merci Julie pour ces explications. Et de l'irlandais, on va en manger demain, j'ai l'impression. Enfin, j'espère, en tout cas. À table. À partir de 15h. Merci Delphine. Dans un instant, le journal des sports. Tout de suite, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Que se passe-t-il ce soir, Pierre Collard-Bovy? Eh bien, terminé pour l'accident sur le ring de Bruxelles à hauteur de Hopin. Donc, de ce côté-là, ça roule. Sur le ring de Bruxelles, les temps de parcours diminuent, mais sont encore quand même assez conséquents. 23 minutes supplémentaires pour l'extérieur. Grand Bigard au titre. Plus 19 minutes pour l'intérieur. Zaventem Carrefour et Léonard. Plus 17 pour l'extérieur. Zaventem Grand Bigard. Plus 16 pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Et plus 15 pour l'intérieur Grand Bigard. Zaventem accident. Toujours encore également sur le ring 9 de Charleroi à hauteur du tunnel Yernaux, la bande droite est neutralisée. Et puis toujours encore également un accident sur la nationale 4 Bruxelles-Namur à hauteur de Lonzay, mais vous ne partez plus que quelques minutes à peine en direction de Namur. À l'instant même, on me signale un accident sur le 25 Bastogne-Liège à hauteur de Remouchamps. Le passage est difficile en direction de Liège. Et puis toujours quelques petits ralentissements dans les travaux sur le 42 Prume-Baptiste entre Saint-Lespa et Polleur vers Prume. Vous perdez encore une petite dizaine de minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Luminus soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e diable. Luminus, à votre service. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Lise Burion et Lise, l'Euro évidemment pour commencer, et l'Italie qui file en huitième de finale. Et oui, deuxième pays assuré de passer au prochain tour après la France. Deux victoires en deux matchs pour les Italiens, faut-il le rappeler. La première c'était contre la Belgique, et puis victoire contre la Suède tout à l'heure, 1-0. But tombé très tard, 88e minute, Eder trompe Isaksson, le gardien suédois, après une longue rentrée en touche italienne. Eder, homme du match à l'interview. Dans les Européens, non ci sono partite facile, ha dimostrato... Dans cet Euro, il n'y a pas de match facile. On l'a vu avec l'Espagne, la France et d'autres grandes nations. Toutes les rencontres sont compliquées. La Suède est une équipe costaude, mais on y a cru jusqu'au bout. On a mieux joué en deuxième période. On tenait vraiment à s'imposer. Tout le groupe le mérite et félicitations à l'ensemble de l'équipe. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller du moment que nous n'avons pas de regrets. Comme l'a dit le coach, on doit tout donner comme nous sommes en train de le faire. Je pense que notre groupe est fort. Les 23 joueurs sont tous contents, même ceux qui n'ont pas de temps de jeu. On va à présent fêter cette victoire ensemble et je pense que c'est la chose la plus belle. Ce qui était beau aussi, c'est le spectacle dans les tribunes. La marée jaune suédoise avait déferlé sur Toulouse. Les Belges y seront confrontés aussi pour leur troisième match. Et avant cela, il y a donc Belgique-Irlande demain. Un match que suivra pour nous évidemment Thierry Luters, déjà au stade de Bordeaux pour suivre l'entraînement et les conférences de presse d'avant-match. Bonsoir Thierry. Bonsoir Lise. Alors maintenant, c'est sûr, ça on peut déjà le dire, après cette victoire italienne, la première place du groupe sera inaccessible pour les Diables. Ben oui, il faut se faire une raison, on ne sera pas premier, c'est le premier renseignement évidemment de ce verdict. Le deuxième, vous l'avez dit, l'Italie est qualifiée pour les huitièmes de finale. Et alors le troisième, il est quand même réjouissant quelque part, même si ça devait tourner mal demain face à l'équipe d'Irlande, eh bien notre tournoi ne s'arrêterait pas mathématiquement. Il y aura encore une chance derrière avec le match à Nice la semaine prochaine face à la Suède. Donc finalement, ce succès italien contre l'équipe d'Ibrahimovic et consorts n'est pas une mauvaise chose pour les Diables Rouges. Alors Thierry, vous avez assisté aux 15 premières minutes de l'entraînement des Diables tout à l'heure et aux conférences de presse aussi. Quel état d'esprit en fait à moins de 24 heures du match ? On a vraiment l'impression, Lise, que tout se place sous le signe du, je ne vais pas dire de la revanche, en tout cas du rachat. Les Diables Rouges, leur coach, le staff savent évidemment qu'ils ont déçu dans le premier match face à l'Italie. L'Irlande, c'est une équipe à portée de la Belgique. La plupart des joueurs irlandais évoluent dans des petits, entre guillemets, clubs anglais, alors que les Diables Rouges, eux, jouent dans les clubs du top en Angleterre. Donc c'est le moment de sortir le grand jeu, de se montrer encore plus conquérant. Et d'ailleurs, on va écouter Marc Lumotte qui nous parle de la manière dont il faut aborder ce match. Mais d'abord, il faut essayer de ressortir les ballons proprement et de jouer au sol. Parce que si on rentre dans le combat physique, on rentre exactement dans ce que eux demandent. Donc je pense qu'une circulation de balles rapide et beaucoup de mouvements vont définir par des décalages. Et là, pour se créer quelques occasions. Les faiblesses de cette équipe d'Irlande ? Ils ont une défense centrale qui n'est pas des plus rapides, mais qui est très solide avec O'Shea qui est là. Donc sur les ballons aériens, évidemment, ce sera difficile. C'est pour ça qu'il vaut mieux jouer par petites combinaisons à terre. En tout cas, ce qu'elle a, elle joue avec un losange au milieu aussi. Donc il laisse les côtés assez ouverts pour laisser nos qui vont s'engouffrer dedans, mais il ne faut pas tomber dans leur piège aussi. À un moment donné, ils jouent avec deux attaquants aussi, donc ça veut dire qu'il y aura des espaces. Donc c'est vraiment trouver le bon équilibre, je vais dire, entre le bloc équipe et ne pas se jeter non plus, parce que bon, avec un résultat comme on a eu, on est obligé maintenant de prendre des points. Il y aura des changements. Combien ? Je ne sais pas encore, enfin je le sais mais je ne veux pas le dire. Eh oui, il ne veut pas le dire. Il a même sorti une autre pirouette en conférence de presse en précisant qu'il rentre 2 et 10 changements, ce qui signifie que seul Courtois est sûr d'être titulaire. C'est évidemment, je l'ai dit, une pirouette, mais il faut s'attendre peut-être avec des garçons comme Meunier, Carrasco, recevoir leur chance pour ce match qui se disputera, on l'espère, sous un temps clément, parce que croyez-moi, aujourd'hui, Lise, ici en Gironde, aujourd'hui, ça n'a pas arrêté d'alterner entre soleil et des grosses averses bien intenses. Oh bah vous êtes un petit peu comme en Belgique alors Thierry, c'est pareil ici, je vous rassure, c'est une météo à la fois irlandaise et belge, donc on verra bien ce que ça donne demain. Merci en tout cas, vous serez en compagnie comme toujours de Manuel Jousse pour nous commenter en direct et en intégralité cette rencontre Belgique-Irlande demain. Et puis il y a d'autres matchs à l'Euro. Aujourd'hui depuis 18h, la République tchèque et la Croatie s'affrontent à Saint-Etienne 0-0 après 14 minutes de jeu. C'est dans le groupe D où l'Espagne jouera la Turquie ce soir à Nice. 21h. Et puis demain, l'Islande et la Hongrie s'affronteront à Marseille. Mais là, les deux équipes n'ont pas pu s'entraîner sur le terrain. Non, en cause la pelouse du stade Vélodrome de Marseille en piteux état. Les Bleus s'en sont rendus compte avant-hier contre l'Albanie. Didier Deschamps s'était plaint, notamment qu'un concert d'AC/DC avait eu lieu sur la pelouse un mois à peine avant cet Euro. Le consortium qui gère le terrain marseillais a précisé que la pelouse avait été changée après ce concert à la demande de l'UEFA. Mais donc, Islandais et Hongrois découvriront l'herbe marseillaise demain, seulement juste avant leur match. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que d'autres entraînements soient annulés dans d'autres stades aussi pour préserver ce gazon un peu maudit. Les athlètes russes qui défilent au Maracana pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, eh bien c'est une image qu'on ne verra pas à Rio cet été. L'athlétisme russe dans la tourmente, hein, vous le savez depuis plusieurs mois, scandale de dopage. La décision vient de tomber à Vienne où se réunissait le conseil de l'IAF, la Fédération Internationale. L'athlétisme russe est privé de Jeux Olympiques. Fin d'un feuilleton, un rebondissement, David Bertrand. Il n'y avait que 2 cas de figure possibles pour mettre fin à cette affaire qui tient le monde du sport en haleine depuis de très nombreux mois, le pardon ou l'intransigeance. Et la Fédération internationale d'athlétisme a choisi l'intransigeance et confirmé la suspension qui frappe la Fédération russe d'athlétisme. Pas de Jeux olympiques donc pour les dizaines d'athlètes qui composent habituellement la délégation russe aux Jeux. En 2012, à Londres, ils avaient ainsi décroché 14 médailles, dont 6 en or. La Russie s'était alors classée 2e nation au tableau des médailles, juste derrière les États-Unis. C'est dire si son absence va ouvrir des possibilités de résultats pour les autres nations. L'IAF, la Fédération internationale, ne pouvait en tout cas pas agir autrement. Il en allait de sa crédibilité, elle qui est malmenée par ces scandales de dopage institutionnalisés au niveau de l'État russe, mais aussi par des faits de corruption qui ont touché jusqu'à son ancien président, Lamine Diak. Ces derniers mois, l'athlétisme russe a pourtant tout tenté pour se racheter une conduite. Il avait accepté sa suspension, nettoyé sa fédération et tenter de montrer patte blanche, mais le mal est fait. Il faut maintenant purger sa peine en attendant que le CIO se réunisse à son tour. Ce sera la semaine prochaine, le Comité international olympique qui pourrait accepter la participation d'athlètes russes s'ils parviennent à prouver qu'ils sont propres. Et le ministre russe des Sports a déjà réagi en déclarant que le pays, je cite, allait réagir. En tennis, une demi-finale belge sur gazon. David Goffin et Kirsten Flipkens jouaient les quarts de finale de leur tournoi respectif et c'est Flipkens qui est passé en demi de son tournoi. C'est à Majorque, victoire 7-5-6-3 sur la qualifiée paraguayenne Sepe de Roig. La tâche de David Goffin était un peu plus compliquée. Il affrontait Roger Federer au tournoi de Halle, presque une seconde résidence pour le Suisse, vainqueur déjà 8 fois de ce tournoi. Et il s'est imposé Federer 6-1-7-6 contre un David Goffin à 2 visages, comme le prouve ce score, un 6-1-7-6. 7-6. Il a tout de même bénéficié, le Belge, de 5 balles de 7 dans le deuxième set. Mais il s'incline donc pour la cinquième fois en autant de matchs contre Federer. Retour chez des dames avec un autre tournoi encore, celui de Birmingham. C'est toujours sur gazon. Elina Wickmayer est passée en quart de finale en écartant la Britannique Konta, 19e à la WTA, sur un double 6-3. En cyclisme, ce coup de tonnerre à présent dans le ciel brugeois. Le Tour de Flandre va déménager. Fini le show et le podium signature devant une grande place de Bruges noire de monde. C'est à Anvers que les fans devront se déplacer pour voir les rois du pavé avant le round. L'année prochaine et pour 5 ans, c'est une volonté des organisateurs d'innover après la 100e édition remportée par Peter Sagan au mois d'avril. Avec aussi, c'est symbolique, le retour du mur de Grammont sur le parcours l'an prochain à 95 km de l'arrivée. Arrivée toujours située à Audenarde. Et puis sur la route est à Prenne au Tour de Suisse. Aujourd'hui arrivé au sommet à Solden, 2600 mètres d'altitude. L'Américain TJ Van Garderen s'impose. Le Français Warren Barguil prend le maillot de leader. Le Belge Ilio Kess était dans la bonne échappée, mais il a lâché rapidement dans cette dernière ascension redoutable. La Belgique au sommet par contre en volleyball. Les Red Dragons, l'équipe nationale messieurs, dispute la World League en Australie pour l'instant. C'est une compétition qui réunit les 12 meilleures équipes du moment. Et belle performance d'entrée pour les Belges. Ils ont battu l'Australie justement 0-3. En sport auto, l'une des courses les plus mythiques aura lieu ce week-end. Et oui, pendant que les Formule 1 inaugureront le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, les spécialistes de l'endurance se disputeront le titre prestigieux aux 24 heures du Mans. Ce sera ce week-end. Départ demain 15h. Départ donné par Brad Pitt en personne. Le Mans a toujours fait rêver Hollywood. Une autre belle histoire avec un pilote à part dans les paddocks. Il s'appelle Frédéric Sausset. Sa particularité, il est amputé des 4 membres. David Bertrand nous raconte son histoire. Nous sommes en juillet 2012. Fred Sausset, la quarantaine, gérant de magasin de vêtements, passe ses vacances en famille dans le sud de la France. En sortant des affaires de la voiture, il s'égratigne la main sur un mur et contracte une bactérie foudroyante, un streptocoque A. Il tombe dans le coma et se réveille 2 mois plus tard, amputé des bras et des jambes. La course automobile lui sert alors de thérapie et de bouée de sauvetage. Pourtant, Fred n'est jamais monté dans une voiture de course, mais depuis tout petit, il rêve des 24 heures. Il monte alors une écurie automobile symbolisée par une salamandre à qui il manque un membre. Le seul être vivant capable de résister au feu, se justifie-t-il. Son poste de pilotage est adapté pour qu'il puisse freiner et accélérer à la force des cuisses. Pour tourner le volant, son bras droit, amputé entre la main et le coude, est fixé à un axe. Depuis, Fred a enchaîné les tours de circuit, les courses d'endurance de seconde importance et les entraînements physiques. Ses chronos sont acceptables, derrière les meilleurs, mais devant le gros du peloton, avec maintenant un seul objectif, venir à bout de ses... Venir à bout des 24 heures du Mans, donc sans bras, sans jambes, voilà, chapeau. Il y en a qui font de belle la performance, ouais. Enfin, pas du kayak, mais qui traversent des océans parfois. Mais déjà, complètement valide, il y a des sports qui sont très compliqués. Oui. Mais alors, quand en plus, voilà, on n'a pas toutes les capacités physiques pour le faire, ça va être d'autant plus beau. Une volonté. Chapeau à ce monsieur. Oui. Merci, Lise. Et dans un instant, on refait un point sur ce match. Rappelez-moi quel pays joue. Tchèque-Cro, sur l'image de télévision. Voilà, mais République Tchèque-Croatie. Déjà, vous voyez l'écran en complet. Moi, oui, j'ai des éclairages qui m'empêchent de voir la lumière. Enfin, c'est la 20e télé. Minute, c'est toujours 0-0 entre la République tchèque et la Croatie. Il n'y a pas beaucoup de buts dans cet Euro 2016. Surtout dans les premières mi-temps, oui. Ouais, les buts tombent très très tard. Ça va être, à mon avis, les analystes vont nous faire plein de jolis tableaux avec tous ces chiffres-là. Mmh. Eh ben, on fait le point sur le foot avec Thibaut Deplan qui vient nous voir dès qu'il se passe quelque chose dans ce match. Il est 18h21. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans un instant, dans ce 5 à 7, on parlera d'une nouveauté en Belgique. C'est une première en Belgique, alors que c'est déjà tendance aux États-Unis. Une piscine pour chiens arrive du côté de Charleroi. On en reparle dans un instant. Vos chiens pourront aller s'y baigner, mais pas vous, c'est très important. Bougez pas, c'est dans la suite de ce 5 à 7. On parlera d'Olivier Monsens aussi, il sera l'invité de ce 5 à 7 tout à l'heure. Il viendra nous présenter une série de reportages, de documentaires qui démarrent ce soir à la télé sur la Une. Si je vous parle de Ronnie Cooter, bien ce comédien qui a eu une carrière énorme et dont on ne parle plus assez aujourd'hui, il y a par exemple ce premier reportage sur lui. Olivier Monsens viendra nous détailler tout ça dans quelques minutes dans ce 5 à 7. Et puis on saura qui gagne le voyage d'une semaine pour deux personnes du côté du Québec à l'occasion de la fête nationale du Québec. On en reparle dans un instant. Avant ça, on s'intéresse à une artiste. Elle s'appelle Cœur de Pirate. Car ce que tu es rime avec Alors Cœur de Pirate ne sort pas un nouvel album, ne vient pas faire un concert, mais a fait son coming out sur internet. Après la tuerie d'Orlando, elle a été choquée. Elle s'est sentie très vite hypocrite, c'est ce qu'elle dit, c'est ces mots que j'utilise. Elle a écrit une lettre, elle l'a postée sur les réseaux sociaux en disant: en tant que personnage public, je me suis toujours demandé ce que je devais dire ou non au sujet de ma vie privée. Mes premières pensées romantiques étaient portées sur une fille que je connaissais. J'avais 6-7 ans. Et donc aujourd'hui, elle fait son coming out en disant: voilà pourquoi je fais mon coming out en tant que queer aujourd'hui, parce que je ne veux plus avoir peur de ce que les gens pourraient penser de moi. Je ne veux pas avoir peur de quelqu'un qui arrêterait d'écouter ma musique, ou que mes parents interdisent à leurs enfants, que les parents interdisent à mes enfants de m'écouter. Voilà le message en gros de Cœur de Pirate. Mais aujourd'hui en 2016, pourquoi c'est si compliqué de faire son coming out? Pourquoi dans certaines régions c'est plus simple ou plus difficile? C'est ce que Cœur de Pirate dit aussi dans son message, en expliquant que dans des grosses villes, l'homosexualité est plus facilement acceptée que dans des petits villages. On va en parler avec le docteur Esther Hirsch. Vous êtes médecin sexologue à Erasme et Brugmann. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7. Déjà, un petit mot sur le fait que, ici, Cœur de Pirate décide de faire son coming out après cette horrible attaque à Orlando. Est-ce que le coming out peut se faire plus facilement quand il y a un aspect émotionnel, quand il y a un déclencheur comme ici? Ben écoutez, oui, ça peut arriver là, hein, qu'elle se soit sentie touchée, concernée personnellement. Et là, bon, on peut la féliciter, hein, de faire ce coming out. Et une façon de soutenir aussi, hein, toute cette communauté homosexuelle avec cet acte violent, dont on peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas une réaction contraphobique face à l'homosexualité. Alors là, une enquête est en cours pour voir justement ce qui s'est passé réellement. C'est plus facile dans les villes ou dans les villages de faire son coming out, comme elle le dit, Cœur de Pirate? Non, c'est plus facile dans les villes, hein. Ça me paraît évident. Je pense que dans les campagnes, peut-être les esprits sont restés quand même plus confinés à des valeurs traditionnelles. On sait d'ailleurs que statistiquement, il y a plus d'expériences homosexuelles dans la vie, notamment d'adolescents, avec le niveau d'études, comme si le niveau socioculturel permettait plus de souplesse. C'est-à-dire, plus on va loin dans les études, plus il y a des expériences homosexuelles? Voilà, exactement. Il y a d'ailleurs le nombre de partenaires sexuels, sans parler d'homo ou d'hétérosexualité, augmente avec le niveau d'études. On sait qu'il y a plus de partenaires sexuels, notamment chez les femmes qui ont un plus haut niveau d'études supérieures, que d'études inférieures, ou que de femmes agricoles, par exemple, dans les campagnes. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour faire son coming out? C'est quoi? On le fait quand? Ah ben écoutez, ça c'est éminemment variable d'une personne à l'autre, parce qu'il y a d'abord à reconnaître son homosexualité, à l'accepter d'ailleurs. Hein, moi je me rappelle d'un homme qui m'avait dit: je préférerais mourir plutôt que de découvrir que je suis homosexuel, hein, vous rendez compte? Ah oui, quand même. Hein, c'est pas évident. En fait, le fait pour certains hommes, plus que chez les femmes, d'être homosexuel, ça peut disloquer l'identité de genre, c'est-à-dire la masculinité, qui paraît comme plus fragile que ne l'est en fait la féminité. Mais donc une fois reconnue cette homosexualité, il faut pouvoir faire son coming out, c'est-à-dire la dévoiler, et ça dépend un peu aussi de l'esprit de la famille. Moi, je connais des hommes en particulier qui sont restés sans sexualité, même, qui ont caché leur homosexualité et ne l'ont dévoilé que sur le tard, vers 50-60 ans, d'abord à des amis, dans leur milieu parfois socio-professionnel, mais jamais à leurs parents. Donc tout dépend de l'ouverture d'esprit des proches de la famille. Et espérons que ça aille de mieux en mieux et que ce soit de plus en plus facilement accepté. Merci beaucoup, docteur Esther Hirsch, pour vos précisions. Mais je vous en prie. Voilà. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée, au revoir. Il est 18h27. Dans un instant, le Dico Food avec Candice Cotter. Et puis, on saura qui gagne le voyage au Québec, qui va partir pendant une semaine avec la personne de son choix pour profiter des magnifiques paysages et de toute la bonne gastronomie québécoise aussi. La réponse après le journal de 18h30. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent « Je réussis », une collection de cahiers de vacances de 56 pages rédigés par des enseignants belges. Avec un cahier par classe, de la 3e maternelle à la 6e primaire, votre enfant gardera en mémoire tous les acquis de l'année écoulée. Les cahiers de vacances en vente dès maintenant au prix de 5,90€ chez votre libraire. Chez Decathlon et sur decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre « Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons !» Mais aussi pour tous les « Et les gars, il y a des belles vagues ! Sors la planche !» Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Maintenant, chez Colruyth, des tickets de cinéma gratuits. Achetez pour 30€ de produits Coca-Cola, Jupiler ou Ola et recevez un ticket de cinéma Kinépolis gratuit. Conditions en magasin ou sur colruyth.be. Colruyth, votre garantie des meilleurs prix. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Actuellement chez Jean-Fils, conditions irrésistibles sur chauffage, poêle à bois et pellets, solaire climatisation et pompe à chaleur. Profitez de nos conditions printemps, remises complémentaires et de nombreux cadeaux offerts dans tous nos départements. Jean-Fils à Verlaine. Cette semaine dans le Tip Top, Philippe Jauniot enfile sa cape et son épée pour recevoir Damien Sargue et Olivier Dion. Et moi, deux des trois mousquetaires viennent nous présenter le nouveau spectacle musical à Paris dès septembre et le 6 mai prochain à Forêt Nationale avec Vivacité. Ce soir, dès 19h, ce sera donc un pour tous et tous pour un sur Vivacité pour déjà vous faire découvrir l'album Les Trois Mousquetaires. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Bruno Mars, Renaud, Black Eyed Peas, Queen, Buggy, Dimitri Vegas, Avicii, 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges, en vente partout et sur la boutique RTBF. Envie d'infos où, quand et comme je veux. Bienvenue en ce journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le forum. Aujourd'hui, à l'aide de l'actualité, plusieurs centaines de migrants. RTBF Ovio, l'info où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Athénée Maurice Destenay, le meilleur choix pour les études. Tous les types d'enseignement, de l'immersion en anglais et un apprentissage moderne avec entre autres tablettes et tableaux interactifs. Athénée Maurice Destenay, désormais 3 implantations avec un premier degré sur le site EC Carré près de la Médiacité. Ça bouge à Destenay. Info 04 343 04 28. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Espagne-Turquie, à suivre en direct ce vendredi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Voici les titres de l'actualité avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. L'Italie qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Les Italiens se sont imposés contre la Suède. 1-0, but d'Eder à 3 minutes du terme. L'Italie compte 6 points sur 6. Elle est la deuxième nation qualifiée après la France. Autre conséquence dans ce groupe E, celui de la Belgique. Les Diables Rouges sont sûrs et certains de ne pas terminer premier de leur poule. À 19h, nous entendrons Antonio Conte, le sélectionneur italien. Les Diables, quant à eux, jouent demain face à l'Irlande. À 15h, Mark Wilmots annonce plusieurs changements dans son 11 de départ. Attention, si vous devez prendre un vol depuis Zaventem, votre avion risque de décoller avec du retard et surtout sans vos bagages. Le personnel du bagagiste Swissport fait grève. Il faut savoir qu'il gère 7 valises sur 10 à Brussels Airport. Les passagers qui atterrissent ne récupèrent pas toujours non plus leurs bagages. Le personnel déplore le manque d'effectifs. Une reconstitution cet après-midi à Etterbeek. Elle se concentre sur les préparatifs de l'attentat contre la station de métro Malbec le 22 mars. Dans le quartier de la Chasse, autour de la planque d'où est parti le kamikaze du métro, Khalid El Bakraoui, ainsi que l'homme au sac à dos, Osama Krayem, qui avait renoncé au dernier moment à se faire exploser. Les opérations sont en train de se terminer. L'avenue des Casernes doit être rendue à la circulation vers 19h. Et puis cet appel à la tolérance et au vivre ensemble, appel de David Cameron, le Premier ministre britannique, en déplacement à Birstall, la ville où la députée Jo Cox a été abattue hier. Nous sommes 65 millions à vivre ensemble, à travailler ensemble, ensemble à nous entendre, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Cyril convoque également le Parlement lundi pour un hommage à Joe Cox. Merci beaucoup David, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. 18h32, on fait un point sur le foot. Il y a l'Euro forcément en ce moment et un match République Tchèque-Croatie. Thibaut Deplanc, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Eh bien pour le moment, donc vous venez de le dire, on vient de franchir la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre la République Tchèque et la Croatie. La donnée est simple, si la Croatie gagne ce soir, elle aurait 6 points, ce qui signifierait qu'elle serait déjà qualifiée pour les 8e de finale et rejoindrait donc la France et l'Italie. Pour le moment, eh bien, pas grand-chose à signaler dans ce match, comme on en a pris l'habitude depuis le début du tournoi, c'est une rencontre pour le moment très serrée. Les Croates sont pourtant même dans le camp des Tchèques. Ils ont même eu quelques petites opportunités, deux petites opportunités par Ivan Perisic, l'ancien joueur du club de Bruges. Tout d'abord, il n'a pas su reprendre un centre de Rakitic et puis il y a quelques instants, Tché, le gardien de la République Tchèque, est bien sorti dans les pieds du joueur croate. Donc toujours pas de but pour le moment. On joue depuis 32 minutes et c'est toujours 0-0. Merci Thibaut, on vous retrouve tout à l'heure. La météo, ça dit quoi Dominique? Ça dit que ce soir et cette nuit, les averses vont disparaître et on va retrouver de la brume et des bandes brouillard. Minima 9 à 13 degrés. Demain, retour des nuages, pas mal de nuages d'ailleurs. Les averses vont s'espacer mais ne vont pas disparaître totalement. Maxima 14 à 18 degrés. Dimanche, amélioration, on parle de temps sec avec un lent retour des éclaircies. Maxima de 16 à 20 degrés. Puis déjà un œil sur la semaine prochaine, on nous annonce de lundi à mercredi le retour du soleil avec des températures qui vont remonter pour atteindre des valeurs de saison, 17 à 22 degrés. C'est le point RTBF Mobile Info tout de suite avec Pierre Collard-Bovy. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir Cyril, avec toujours ces ralentissements du tunnel Arlois au tunnel Léopold II vers la Basilique et du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le midi. On parle de Bruxelles bien évidemment, sur le ring de Bruxelles. Et bien ça commence, ça continue à se détendre. 20 minutes quand même encore supplémentaires pour l'intérieur au titre Grand Bigard, plus 19 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 13 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Tous les autres tronçons sont descendus en dessous des 10 minutes supplémentaires. Un accident sur le ring 9 de Charleroi à hauteur du tunnel Hiernau. La bande droite est neutralisée et il y a pas mal de ralentissements dans le centre de Charleroi même. Un accident sur la N4 Bruxelles-Namur à hauteur de Lonzé. Le passage est difficile mais ça roule quand même. Vous perdez 3-4 minutes en direction de Namur. Très léger ralentissement donc. Accident sur le 25 Bastogne-Liège à hauteur de Remouchon. Passage difficile en direction de Liège. Là vous perdez un petit quart d'heure et puis toujours ces ralentissements dans les travaux entre Sarlespa et Poller sur le 42 Prume-Baptiste. Vers Prume, vous perdez toujours une grosse dizaine de minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Que tous les fans de gastronomie se rassurent. Dans un instant, on retrouve Candiscoteur pour le Dico Food, c'est promis. Les enfants de cœur avant 19h aussi dans l'émission. Mais tout de suite, on va savoir qui gagne son séjour d'une semaine pour deux personnes au Québec. Tout ça à l'occasion de la fête nationale du Québec. On aura l'occasion de la fêter d'ailleurs à Bruxelles, hein, si vous n'y allez pas au Québec là prochainement. C'est le jeudi 23 juin et le 23, dès 17h à Bruxelles, au Moederlambic Fontenas. À Bruxelles, on pourra fêter cette fête nationale du Québec. Alors, qui va repartir avec son séjour au Canada, au Québec? La réponse, tout de suite, c'est parti, on compose le numéro de téléphone. Je vous explique comment ça s'est passé. On a eu plusieurs candidats tout au long de la semaine qui ont répondu à une question subsidiaire hors antenne. En 2015, combien d'habitants comptait la province du Québec? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Marie-Rose. Marie-Rose. Marie-Rose, restez là deux secondes. Je vais d'abord faire le tour des réponses qui ont été données. Donc, combien d'habitants comptait la province du Québec en 2015? Il y a Anthony qui, lundi, nous a dit 9 millions d'habitants. Mardi, Meggy nous a dit 18 000 habitants. Tout ça s'est passé hors antenne. Mercredi, Arnaud nous a parlé de 10 518 000 habitants. Aujourd'hui, Alexandre, qui est passé à l'antenne il y a quelques minutes, lui nous parlait de 2 200 000 habitants. Marie-Rose, quelle était votre réponse? 8 215 000 et je ne sais plus ce que j'ai rajouté derrière. Vous avez rajouté 687. Voilà, 687. Oui, la réponse exacte, selon l'Institut des statistiques du Québec, et 8 263 600 habitants, c'est vous qui êtes la plus proche, c'est vous qui partez au Canada, Marie-Rose. Oh, c'est super, merci. Eh ben de rien, ça c'est une bonne nouvelle, vous allez partir avec qui? Je vais partir avec mon compagnon. Comment il s'appelle? Il s'appelle Philippe. Vous changerez pas d'ici le voyage? Non, non, je ne changerai pas. D'accord, mais comme ça, je note déjà Philippe sur le billet d'avion. Donc écoutez bien, vous gagnez deux vols aller-retour à direction le Québec, 6 nuits d'hébergement en bed and breakfast, la voiture de location, les visites guidées sur place et tout ça grâce à nos partenaires, la délégation générale du Québec à Bruxelles, Air Transat qui vous offre l'avion, Go to Canada et puis le ministère du Tourisme au Québec. Profitez bien de ce séjour et vous nous envoyez les petites photos, les vidéos, tout ce qu'il faut pour voir que vous amusez bien là-bas. D'accord, Marie-Rose ? C'est promis, c'est fantastique, merci beaucoup. Eh bien, profitez bien, surtout que l'autre jour, vous m'aviez dit que vous n'étiez jamais allé au Canada. Non, je n'y suis jamais allée et mon compagnon a des cousins là-bas, donc on essaiera peut-être de les rencontrer parce qu'il a des cousins au Québec. Donc, voilà. C'est l'occasion, effectivement, tout c'est l'université qui régale. Profitez-en bien, bonnes vacances, Marie-Rose. Merci. À bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt. Juste avant le Dico Food, on fait un point sur le foot. Thibaut de Planck, ça bouge dans ce match République Tchèque-Croatie. Oui, exactement, puisque les Croates viennent d'ouvrir la marque il y a quelques instants. On l'avait dit, la Croatie était bien dans le camp de la République Tchèque. Eh bien, ça vient de se concrétiser, puisque Ivan Perisic, on parlait de lui de tantôt, eh bien, il vient enfin de marquer 1-0 donc pour la Croatie. Juste quelques instants auparavant, avant ce but, Ivan Rakitic, le joueur du FC Barcelone, avait déjà eu une belle opportunité, bien bloquée par le gardien de la République tchèque. Et donc, voici maintenant que la Croatie passe devant 1-0. Et donc, cela signifie qu'à l'heure actuelle, eh bien, les Croates sont la troisième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Eh ben, on suit ça en direct grâce à vous. Merci Thibaut. 18h38, voici le Dico Food avec Candice Cotter. Dico Food. Dico Food. Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Bonjour Candice. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir, dessert oblige du vendredi, à la lettre M. On va travailler la myrtille et je vais vous donner THE recette de tarte myrtille aux amandes. THE recette. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. En gros, vous avez envie, vous aimez ce genre de choses, c'est votre goût un peu frangipane, myrtille, fruits rouges comme ça, c'est votre goût, vous avez envie de ça. C'est celle-là qu'il vous faut. Il n'y en a pas d'autre, c'est ça. Ça va être parfait, c'est inratable, c'est super facile à faire, ça ne demande rien. Et vous avez une tarte qui visuellement est magnifique et gustativement est... Oh. Vous commencez par fouetter au batteur électrique du beurre. Il vous en faut 85 grammes. Vous prenez du beurre mou, donc du beurre à température ambiante, avec du sucre, 175 grammes de sucre, pendant quelques minutes. L'idée, c'est que vous ayez 2-3 minutes de fouette-fouette pour que votre mélange ait gagné en volume. C'est important que le mélange puisse grossir. C'est vraiment important que vous ayez quelque chose qui va doubler de volume pour avoir de la légèreté dans la tarte. Donc, votre mélange beurre-sucre, 3 minutes au batteur électrique. Vous incorporez alors à ce moment-là la poudre d'amande, 175 grammes, comme le sucre, même quantité, poudre d'amande, 2 œufs battus et une pointe d'extrait d'amande. C'est pour renforcer la saveur frangipane. Vous fouettez. Et puis, vous allez ajouter 125 g de myrtille. Vous avez besoin en tout 250 g de myrtille pour cette recette, mais là, on va prendre la moitié et on va déjà la mélanger, cette moitié, à la pâte pour que les myrtilles soient dans la pâte. Le reste, on va mettre au-dessus de la tarte. Donc, vous mélangez délicatement la spatule. Vous prenez un fond de pâte sablé du commerce. Le fond de pâte sablé du commerce n'est pas un mauvais fond de pâte. Donc, vous y allez vraiment sans problème. Vous ne devez même pas le pré-cuire. Donc, vraiment, c'est en gros, vous déballez, vous abaissez sur un moule à tarte de base, un 20 ou 22 cm, ce que vous avez à la maison. Vous piquez le fond à la fourchette et vous faites un joli bord pour dire que, et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Vous versez votre garniture et par-dessus, vous allez recouvrir, parsemer de la seconde moitié des myrtilles, donc encore 125 grammes, en pressant simplement très légèrement pour les faire un peu rentrer dans la garniture, mais un petit peu, esprit clafoutis. Et vous mettez au four, vous oubliez, votre tarte au four, un four qui préchauffe depuis le début à 180, vous mettez votre tarte 45-50 minutes, votre fond de tarte sera parfaitement cuit, il sera biscuité en fond, dans le fond, la garniture n'est pas assez humide pour qu'elle détrempe votre fond, vous aurez un bon fond bien biscuité, un bord bien doré, une garniture bien prise, quelque chose qui sera dense, vous laissez refroidir 10 minutes, vous transférez sur une grille et si vous avez le courage, vous attendez que ça refroidisse avant de couper. Et si les décisions en matière de crédit se prenait en tenant compte des spécificités locales. C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Comment bien manger quand... On veut savourer du poisson de saison. On fonce chez Deleuze. La saison des matchs a justement commencé. Ces délicieux poissons pêchés en Norvège, riches en oméga 3 et en protéines, sont en promo jusqu'au mercredi 22 juin. 3 plus 1 gratuit. Bon appétit. Deleuze. Bien acheté. Bien manger. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi le dimanche 19 juin dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Maintenant chez AVV, 20% de réduction sur les désherbeurs thermiques et les accessoires. AVV, tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Dis-moi Chuck, vous les Angry Birds, vous avez le droit d'être content? Non. Alors comment on va faire? Faire quoi? Ben quand je vous dirai qu'en ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options de la Citroën C3 5 portes avec son immense pare-brise Zénith. Oh ouais! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film, uniquement au cinéma. En ce moment, chez Renault Néry, profitez de conditions incroyables sur tous nos modèles prêts à partir. Chez Renault Néry, offrez-vous une Renault 9 disponible immédiatement et bénéficiez par exemple de 3000 euros d'avantage sur une nouvelle Renault Mégane prête à partir et d'un kit hiver gratuit. Pour profiter de ces incroyables conditions, rendez-vous maintenant ou jamais chez Renault Néry à Fléron, Grivenier et Liège-Buranville. Bonjour, c'est Jason de Mayer. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Jusqu'au 25 juin, Shopping Cora Recours vous invite au Salon des Nouvelles Technologies. Réalité augmentée, objets connectés, écran tactile géant, hologramme, jeux, animations et démos high-tech en galerie. Vivez des moments intenses entre amis ou en famille et profitez d'offres de remise haute définition. Le futur est déjà au Shopping Cora Recours. Fred, vite, il y a une éclaircie. On se prépare un petit barbecue. T'inquiète, je fonce Red Market. Il y a tout ce qu'il faut pour un barbecue réussi à petit prix. Et invite une brochette d'amis. Oh, ce Red Market, toujours le bon plan. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Dès 19h sur Vivacité, vous avez rendez-vous avec le Tip Top, la quotidienne, dernière occasion de la semaine de revenir sur le classement de samedi. Donc, nouveau classement, ce sera ce samedi à partir de 10h30 sur Viva, entre 10h30 et 13h. Au niveau de la musique de ce soir, bah, y aura ça. Ben s'est retrouvé tout à l'heure dès 19h sur Vivacité. Soyez là, c'est dans un petit quart d'heure. 5 à 7. Est-ce que... Je peux pas, j'ai piscine. C'est ce que votre chien vous dira bientôt en aboiement. Je peux pas, j'ai piscine. Puisque c'est nouveau en Belgique, il y a une piscine qui va arriver. C'est déjà tendance aux États-Unis d'avoir des espaces pour les animaux, d'avoir des espaces de détente, de bien-être. Eh bien, il y a un centre qui a ouvert à Charleroi et qui prévoit d'ouvrir une piscine bientôt. On va en parler avec Natacha Reliot. Vous êtes responsable de la communication de Dog Center. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril. Bienvenue sur Vivacité. C'est pas un peu dingue une piscine pour les chiens? Ils en ont besoin? C'est un peu dingue, mais on y croit. Et effectivement, ils en ont besoin, que ce soit pour récupérer après un effort, après une opération, ou simplement pour se divertir avec leur maître. On y croit, on pense que ça va marcher. Et donc, comment ça va se passer? On va arriver, comme on vient à la piscine communale, on met son petit bonnet et on va dans l'eau. Là, on dépose son chien et il va aller dans la piscine. Pas tout à fait. Donc, ce sera des plages horaires qui seront sur rendez-vous. Ouais. Alors, quand vous prenez rendez-vous, on vous demandera évidemment si vous venez pour de la détente ou plus pour de la physiothérapie. D'accord. La physiothérapie sera encadrée par une vétérinaire. Voilà, vous déposez votre chien, la vétérinaire s'en occupe, ou vous venez avec, vous prenez votre maillot et vous plongez avec votre chien. Vous pouvez aller dans l'eau avec, c'est tout l'intérêt, évidemment. C'est drôle ça. Et ça va coûter combien? Parce qu'on parle au futur, parce que c'est pour dans quelques mois peut-être. Tout est en train de se mettre en place. Au plus tard, elle ouvrira début septembre. D'accord. Pour tout ce qui est les tarifs et tout ça, tout n'a pas encore été fixé, mais je peux vous inviter à vous inscrire à la newsletter sur www.dog-center.be. Et dès que la piscine est ouverte, les auditeurs recevront un petit mail pour les prévenir. Alors n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, donc sur dog-center.be. On va pouvoir faire quoi? Donc il va y avoir ce côté détente dans la piscine, le côté récupération après éventuellement un accident, une opération. Mais votre centre, c'est pas juste une piscine. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le centre pour les animaux? C'est quelque chose dont ils ont réellement besoin. C'est pas juste pour le fun. Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose dont les chiens ont besoin. Donc on a différents postes, si vous voulez. Donc on a une partie éducation-comportement. Alors c'est une méthode qui est vraiment appropriée à chaque maître, à chaque chien. On ne s'enferme pas dans une méthode bien particulière qu'on essaye d'imposer aux gens. Donc on discute beaucoup avec eux, on essaye de comprendre les agissements du chien. Parfois on corrige aussi les maîtres qui, sans vouloir mal faire, s'y prennent pas très bien. On peut par exemple apprendre à votre chien à marcher en laisse, à obéir, à avoir du rappel. On peut apprendre à votre chien à avoir du self-control, à être calme, posé, à ne pas monter sur les canapés, à ne pas monter dans les chambres, à ne pas sauter sur les gens qui viennent chez vous. Voilà, on a aussi du toilettage, donc peu importe le chien que vous avez, qu'il soit grand, petit, gentil, pas très gentil, tous les chiens sont les bienvenus. On a aussi la partie massage, donc ça c'est pour les chiens sportifs. Oui, massage pour chien, dans une petite pièce zen avec de la musique. Alors, on les masse pour les échauffer, pour qu'ils fassent de la récupération, pour de la détente musculaire. On soulage aussi les douleurs articulaires chez les chiens un peu vieillissants. Et enfin, on a tout autre service de conseil et vente d'alimentation 100% naturelle, que ce soit des croquettes ou du barf. Le barf, c'est la nourriture vraiment idéale pour le chien. Donc, c'est de la viande crue avec des os et des abats. Donc, voilà, on a vend des friandises. Chez vous. Oui, oui, c'est vraiment le paradis du chien. On a aussi une pension. D'accord. Une pension où votre chien peut venir simplement quand vous êtes occupé, quand vous partez en voyage. Et alors là, à ce moment-là, on peut voir avec vous et proposer des séances de comportement et d'éducation pendant la pension. Mais les chiens, ils voudront rester chez vous, ils ne voudront pas retourner à la maison après avec tout ça. Effectivement. Ils vont s'installer chez vous. J'espère que vous avez de la place pour pouvoir accueillir tous ces chiens. Question pub pour mon perso. J'ai un chien qui aime sortir et salir tout quand il revient. Est-ce que vous leur apprenez aussi à faire le ménage ou pas? Écoutez, je vais essayer avec le mien. Si ça marche, je teste avec le vôtre. Ah ben, on reste en contact alors, ça peut m'intéresser. Voilà. Natacha, je vous remercie d'être passée ce soir dans le 5 à 7 et je rappelle le site dog-center.be. C'est voilà, le tout premier centre pour les chiens qui ouvre à Charleroi, avec donc une piscine qui arrive d'ici la fin de l'été. Bonne soirée Natacha et bon week-end. Merci, au revoir. À bientôt. 18h48, on va faire un point sur le foot, sur l'Euro 2016, Thibaut Deplanc. Eh bien, c'est la mi-temps entre la Croatie et la République tchèque. Le score après les 45 premières minutes, 1-0. On le rappelle, le but d'Ivan Perisic, l'ancien brugeois. Et quelques instants après ce but d'ouverture, eh bien, les Croates ont eu la possibilité de doubler la mise avec un coup franc de Vida, mais la reprise de Čorluka est passée juste à côté. Donc, la Croatie mène à la pause. Actuellement, elle est même en tête de son groupe avec 6 points, ce qui signifie donc qu'elle est qualifiée pour les huitièmes de finale. Le match va donc reprendre d'ici un petit quart d'heure et l'autre match de ce groupe D opposera dès 21h l'Espagne, double championne d'Europe en titre, à la Turquie. Ça va être intéressant cette soirée foot. Merci Thibaut, à tout à l'heure. 18h49, le best-of des enfants de cœur arrive dans un instant. Et puis juste avant, on va accueillir Olivier Monsens. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7, Olivier. Vous êtes là parce qu'à partir de ce soir, on va pouvoir découvrir vos documentaires sur la Une. Ça démarre à 21h55 et on va s'intéresser au parcours de personnes qu'on a peut-être oubliées à tort. Oui, en fait, c'est une mini-série documentaire qui commence donc ce soir avec deux épisodes et puis dans quelques mois, on l'espère, de nouveaux épisodes arriveront. Effectivement, l'idée, moi j'ai fait beaucoup de films pour la RTBF, mais aussi pour France 3, pour Canal+, qui partaient de personnalités connues comme Yolande Moreau, comme Philippe Gueluc, au sujet desquels je racontais des choses méconnues. Ouais. Et ici, finalement, ce qui m'intéressait, c'était un autre angle, c'était de prendre des personnalités qui avaient connu une certaine notoriété sans pour autant être devenues des stars, qui justement, quelque part, étaient passées à côté de cette pérennité et qui étaient retombées dans l'oubli et parfois avaient même connu une fin un peu tragique, mais qui néanmoins avait vécu une vie incroyable, un parcours passionnant. Et voilà, c'est le cas des deux personnages qu'on pourra découvrir ce soir. Ronnie Cooter à 21h55 et puis le cascadeur Thierry Allard à 22h50. Alors, Ronnie Cooter, il faut savoir que bon, c'est quelqu'un qui, en 1990, avait quand même été choisi par George Lucas, donc le producteur de La Guerre des Étoiles et d'Indiana Jones, ouais, la série cinéma, pour devenir dans une grosse série télé internationale, le meilleur ami belge d'Indiana Jones. Le problème, c'est que cette série, qu'il a coupée de tout le milieu pendant 3 ans, parce que c'était des tournages un peu partout dans le monde, a été au final un flop, contre toute attente, a été déprogrammé par TF1 de façon urgente et donc ne lui a pas permis de décoller comme il l'aurait voulu. Avant ça, il avait déjà fait en France comme en Belgique, puisqu'il est franco-belge, des téléfilms, des fictions. Il avait participé à des séries télé un peu loufoques avec Pierre Desproges, Claude Villeret, etc. Donc il avait connu une certaine notoriété, mais toujours un peu comme second rôle. Le gars qu'on reconnaît dans la rue, en plus il était plutôt gros, des petites lunettes, un visage de... Ouais, de il a une bonne louche. Tête, ouais. Voilà, oui, c'est ça. Mais dont on ne se souvenait pas forcément du nom. Ah bah oui, tiens, je l'ai vu à la télé hier soir, il m'a bien fait rire. Ou tiens, je l'ai vu, il était émouvant dans telle comédie, mais on ne se souvenait plus son nom. Et puis voilà, il a espéré qu'avec George Lucas, tout décolle. Et malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et quelques années plus tard, après une chute inexorable, eh bien, il va se pendre à l'âge de 48 ans à l'arbre de son jardin, alors qu'il venait d'avoir une petite fille qui était son rêve enfin exaucé. Et c'est des histoires comme ça que vous allez nous présenter à partir de ce soir, donc 21h55, dans cette série de documentaires. Comment est-ce qu'on arrive à retrouver toutes ces infos-là? Vous avez dû être en contact avec la famille, avec les proches, pour pouvoir construire ce reportage? Oui, c'est-à-dire que ce soit celui-ci ou la vie du cascadeur Thierry Allard, qui avait été désigné par Rémi Julien, qui est le pape de la cascade en France, ouais, le meilleur cascadeur du monde, mais qui, par manque d'ambition, a resté en Belgique, sauf pour des cascades très compliquées. Quand les cascades étaient trop risquées pour les cascadeurs français, les Français l'appelaient. Et puis lui aussi, voilà, a eu un parcours étonnant. À chaque fois, on essaye effectivement de retrouver leurs proches, alors soit des gens qui ont travaillé avec cette personne, dans le cas Thierry Allard, c'est son équipe de cascadeurs, c'est son frère, et dans le cas de Ronnie Cooter, non seulement ce sont les réalisateurs qui l'ont fait tourner, c'est Jean-Michel Ribes, grand patron de théâtre français très connu, c'est des réalisateurs, mais c'est aussi ses deux épouses, c'est sa fille, ce sont des amis, enfin... Voilà, on essaie d'être au plus près. Et puis, bien sûr, ce qu'il faut dire, c'est que ces deux films sont gorgés d'archives absolument savoureuses. Parce que, ce que je vous raconte là a l'air tragique. C'est vrai que leur destin, à la fin, l'est. Mais avant ça, il y a toute une histoire haute en couleurs qui est nourrie d'archives que j'ai retrouvées dans Alina en France, mais aussi dans les archives de la RTBF et puis ailleurs. Et c'est évidemment savoureux de revoir tous ces moments avec cette patine vintage qu'elles ont acquis au fil du temps, évidemment. Alors c'est à découvrir donc à 21h55 ce soir pour le premier épisode et puis une heure plus tard, 22h50, pour la deuxième sortie de route, c'est le nom de ce documentaire. Oui, absolument. Ça met combien de temps de préparer une heure de documentaire? Parce que ça va vite à regarder, mais en préparation? C'est-à-dire que, évidemment, ça s'étale sur un certain temps. Je vous dirais que pour ces deux documentaires-là, entre le moment où je les ai... commencé, si je puis dire, et aujourd'hui c'est passé 2 ans, mais je n'ai pas fait que ça, évidemment. J'ai fait 2 documentaires, je fais de la radio à Paris, je fais j'en ai fait aussi à la RTBF. Mais disons que pour vous donner une idée, il y a en général une dizaine de jours de tournage, il y a un mois de préparation, enfin de recherche, etc. Et puis il y a quand même 6 à 7 semaines de montage à chaque fois par documentaire, parce que c'est là où tout se déroule. On a tous les rushs, il y a des gens au final qui interviennent, si on met bout à bout, peut-être 5 minutes dans le documentaire, mais je les ai filmés pendant 1h30, parfois ouais, 2h, pour essayer vraiment de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et puis après, vous vous retrouvez avec 20 heures, 25 heures de rush, comme on dit, donc c'est tous ces tournages. Et il faut condenser après. Il faut condenser, puis construire, parce que c'est pas un reportage, c'est un documentaire, donc il y a un regard, il faut essayer de synthétiser, et surtout d'accrocher le téléspectateur. Et je pense que vraiment, j'espère que le téléspectateur viendra au rendez-vous, même s'il ne connaît pas ces noms, parce que c'est le principe, vous ne les connaissez pas, mais vous allez découvrir des vies incroyables. Les 7 semaines de montage permettent, une fois qu'on est devant le film, d'être emporté par lui et de découvrir plein de choses et de se dire, mais c'est dingue, je ne connaissais pas cette histoire. Eh bien, rien que de vous entendre parler, ça donne envie de regarder. Rendez-vous ce soir, 21h55. Non, mais vraiment. Et du coup, vous êtes derrière la caméra, mais vous revenez quand devant? Quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir? Écoutez, la télévision, vous savez, moi j'ai jamais couru. C'est vrai que j'ai fait pendant des années sur Canal Plus Belgique une émission qui s'appelait Al Dente. Je recevais des... Vous avez trop mangé maintenant. Restaurants. Vous voulez plus y retourner? Non. Et maintenant la radio, j'en ai fait. Je suis Rivage, j'en ai fait sur la première. Maintenant je suis à Paris. J'habite toujours en Belgique, mais disons que je fais la radio à Paris quotidiennement. Et donc voilà, moi je suis indépendant, je suis nomade. Je suis donc quand on me demande si ça me plaît, je viens. Et puis voilà. Et puis l'RTBF Télé a voulu que je vienne avec des documentaires. Ça m'a fait très très plaisir. Et voilà, donc après, vous savez, une saison chasse l'autre, on verra. On aura certainement l'occasion de se reparler pour d'autres projets, Olivier. C'est très gentil. C'est merci d'être passé ce soir dans le 5 à 7 et puis à bientôt. Au revoir, Olivier. Merci à vous, en tout cas. Et à ce soir, 21h55 sur la Une. C'est noté, le rendez-vous est pris. Soirée devant la télé, forcément, entre le foot, le documentaire à suivre. Un petit peu de repos et après, nouveau match demain, 15h. La Belgique affrontera l'Irlande. Vous serez devant la télé demain, Philippe? Évidemment, vous comme tout le monde. À 15h demain, avec le son de Vivacité dans les oreilles. Demain c'est foot spécial dès 13h demain. Vous n'êtes pas là demain. Spécial, je serai pas là demain, mais je serai là tout de suite dans quelques minutes pour la quotidienne du Tip Top. Bon week-end, Cyril. Bon week-end à vous. Avec Kid Noise, 7ème dans le classement du Tip Top, c'est juste après les infos. À tout de suite. Jusqu'au 18 juin, chez Big Mat Malmedy, venez découvrir nos actions de printemps. En plus du service et des conseils, vous profitez de conditions incroyables pour tous vos projets d'aménagement extérieur. Des planchers de terrasse à moins 20%, des pierres naturelles à moins 20%, des graisses céram série béton en 60 par 60 avec 16 mm d'épaisseur à 29€ du mètre carré. Et de nombreuses nouveautés en carport, palissade et jeux de jardin. Big Mat Jiebodarwe, à l'entrée de Malmedy, bien plus que des matériaux. Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Espagne-Turquie, à suivre en direct ce vendredi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Prêt pour l'aventure ? Bienvenue à Tiger World, la nouvelle création du zoo d'Amnéville. Pénétrez dans une mystérieuse caverne au cœur de la jungle. Entrez dans un univers fantastique où la poésie se mêle à la violence des éléments déchaînés. Où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Tiger World, un spectacle époustouflant. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Vivacité présente... Bonjour. Entrez. Ah, bienvenue. Venez. Je suis là. Qui c'est? C'est 18 et 19 juin à Incourt, Lobe et Durbuy. Partagez la passion de ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie. Découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. Info sur wallonie-bienvenue.be, une initiative de la Wallonie avec la Une le soir et 7 dimanche. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Chérie, en 10 lettres, expérience mode unique à proximité. En 10 lettres? Facile, point carré. Les meilleures marques sélectionnées pour nous, un service personnalisé et le meilleur rapport qualité-prix. Bon, eh ben allons vivre une expérience unique chez point carré. Plus d'infos sur pointcarré.eu. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Il est 19h. David Riffon, bonsoir à tous. L'Italie est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Les Italiens se sont imposés contre la Suède. 1-0, but d'Eder à 3 minutes du terme de la partie. L'Italie compte 6 points sur 6. Elle est la deuxième qualifiée après la France. On écoute le sélectionneur italien Antonio Conte. Partita difficile, partita dura. Sicuramente C'était un match compliqué. En première mi-temps, on a travaillé beaucoup, mais la Suède a bien fermé les espaces et était avant nous sur les ballons. Par contre, on peut dire que l'on ne leur a rien concédé, aussi bien en première qu'en seconde période. Je pense que nous avons eu les plus belles occasions, avec notamment une transversale, et puis on a marqué. On aurait pu marquer plus, mais on n'y est pas parvenu. On savait que ce serait un match physique. Avant l'Euro, qui aurait pu s'imaginer qu'après deux matchs, l'Italie serait qualifiée pour les huitièmes de finale.